Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère. Là, Jordan, et là, Francky. Jordan ? Jordan, j'ai dit. T'as dit Jordan ? Oui, t'as dit. Mais ça, c'est... Parler de Jordan... Oui, Jordan Bardella, tu vois, qui pour lui. Voilà, c'est ça. Très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle, hein, de toute façon. Oui ! Bonjour, bonsoir et bienvenue. Oh, attention. Oh ! T'es dans un grand 8 ? La 10e saison, c'est celle de trop. Est-ce que vous êtes prêts? Eh oui. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du Flood Past. Ah bah alors, ça arrive à tout le monde d'avoir la langue qui trébuche. Quel plaisir de vous retrouver à l'heure où des duos se séparent comme Villebrequin se retrouve comme Oasis. Arrête. Ah oui, oui. Non, le multipla. Mon cœur est brisé. Ça fait trop mal. On s'en branle. Et bien voici un bon duo qui stagne. Adrien et moi. Comment ça va, Adrien? Ouais, qui stagne. Il y en a un qui est en train de prendre la distance quand même. T'es sur Evil Dead et l'autre il est sur son canapé. Donc, ouais. Mais alors attendez, comme terme d'habitude, on n'est pas tout seul. Notre premier invité. On rit déjà. Oui, notre premier invité. Alors faut savoir. Vous êtes venus souvent, les deux, donc les descriptions, c'est de pire en pire. Voilà, je vais vous le dire. Ah oui. Je fais une petite intro. Notre premier invité a une énorme grosseur en haut de sa colonne vertébrale, tant elle a roulé sa bosse en radio. 456 chroniques, rendez-vous compte, ça fait plus de 1600 minutes, moins les 180 minutes où Nagui rit en toussant dans un râle qui rappelle une vieille mobilette qui démarre en côte. Vous pourrez voir son nouveau spectacle, encore un peu en rodage, les 25 et 26 octobre mobilette, à Lyon. Rodage, hein, pas mal. Mobilette, rodage. Ouais. Mais c'est fait exprès en plus. Je pense pas, je pense. Pas du tout. Les 8 et 9 novembre à Marseille ou encore à Nantes, la cité phocéenne, bien sûr, du 14 au 18 novembre. Quand elle fait des grosses courses au supermarché, c'est Morgane Cadille, oui. Mais avec nous ce soir, c'est Morgane Cadille. Ouais. Oh oh, c'est... Ça va, hein. Bah franchement, j'ai hâte d'être dans 3 flottes. D'ailleurs, oui, c'est Morgane. Voilà. J'ai voilà. mis un cardigan d'ailleurs en ton honneur. Ça fait plaisir de te recevoir, Morgane. Merci. Comment ça va? Ça va, je suis trop contente d'être là. Mais tout à l'heure, je me disais en venant, est-ce que pour les gens, elle est ivre morte. Hein, non, est-ce que pour les auditeurs, ça commence pas à être trop? Non, pas du tout. N'hésitez pas à me le dire en DM si vous en avez un peu ras le cul. Morgane, ouais. Arrête, les gens t'adorent. Ah, Morgane, directement, pas à nous. J'ai une question. Dis-nous, Jérôme. C'est qui l'invité record de Floodcast? Oh, Pyjama, non, non. Qui a fait le plus de. Ouais, qui a fait le plus je de. Je me demande si c'est pas Pierre Lapin. Ah ouais? Ou Justine Le Potier. Avec 17. Ah ouais? Bah, ça fait 10 ans en fait, donc eh oui. C'est des gens qui étaient là dès ah les premiers. Oui. Voilà, qui est venu le plus souvent. Le plus souvent, ah, ouais. D'accord, compris. T'avais compris quoi? Et que le record du son en hauteur. Enfin, qu'est-ce que t'as fait l'épisode? Alors laisse-moi réfléchir. Quel invité, l'invité dont l'épisode a fait le plus de ah oui, non. Oh là, mais il est tout de suite dans la perf. Ah ouais, ça c'est le nouveau Adrien, c'est le nouveau mindset. Perf aussi, le nombre de fois où tu viens. Non, t'es dans les chiffres, t'es dans le business. Dans les chiffres, t'as changé. C'est ce qui était demandé, un chiffre. Et le plus d'écoute. Bah j'en sais rien. Je pense que c'est Urbain et moi. Ouais. Entre Pierre Ninet et Pierre. C'est vraiment urbain. C'est pas les gens les plus connus qui font le plus d'écoute. En l'occurrence, clairement Pierre Ninet. Alors, notre deuxième invité est lui aussi un habitué de l'émission, internet, one man show et cinéma, on l'a vu ces dernières années. C'est moi, Jérôme. Donc... Alors, première question du coup du podcast. Non, mais j'ai fait une découverte en préparant ton truc. Tu es né le jour de la signature de l'accord de Schengen. Bah ouais, c'est complètement mais je savais pas. Bah, tu voilà. Le dis dans ton spectacle. Bah, c'était rien de moins que l'Europe, mon pote. Le 14 juin. Ouais. Ouais, 85. Attends, quoi? C'est le jour pile. Tu savais la date? Alors, elle est top, elle est folle. Malheureusement. Ah non, tu savais la date de naissance de Jérôme? Non, de Schengen. De Schengen. Wow. Elle est super cultivée. Non, de Jérôme, alors. Ah, mais comme il ne sait pas en retour ma date d'anniversaire, ouais. Moi je la connais. Aussi, c'est le 2. Moi je connais de personne, moi. C'est quoi? Le 2 Kral. C'est ça. Le 2 septembre. Sambre. C'est ça ou pas? J'étais mal. Mais c'est vrai, il a eu le 2. Ouais, il a eu le 2. Bam! Et le Ambre. Tu vois? Franchement, ça va. Hein. Vous le voyez pas, mais elle a la mâchoire au sol, celle-ci. Ouais. Là, elle est cool. Bien mouchée. Moi, je suis même pas sûr de savoir la tienne. Il m'a mouché. La mienne? Ouais, je dirais 10 juillet. Non, mais voilà. C'est juillet. Non, mais c'est juillet. C'est le 21 juillet. Voilà, ouais. Non, franchement, pas mal. Tu m'as je sais même pas la date de mort de mes parents. Donc, mais cela dit, je connais ta date de naissance. Ouais, t'es en train de chercher sur. Pas du tout. 25 avril 1980 à Saint-Germain-en-Laye. T'es un acteur, scénariste et auteur de bande dessinée française. Ouais. Oui, bon, j'avais écrit une intro. C'était juste dans le seul unique but de remettre un extrait dont on a parlé, parce qu'avec Jérôme, il est passé chez moi dans ma maison de vacances. Tu devais venir, oui. Morgan. Tu nous as lâché. Ça s'est mal organisé. C'est ce qu'on s'est dit. Ouais. Quand c'est vrai. Ouais. Faut qu'on en parle parce que. Toi, tu l'as vécu dans un autre sens. Toi, tu t'es dit, le boys club m'a pas invité. Non, c'est pas ça, c'est que bah, c'est une semaine où j'étais pas là, donc je me suis dit que c'était ok de, ah, oui. de pas déplacer la Corse pour venir dans ta. Mais ça se tient. Apparemment. T'étais en Corse? Ouais, j'étais en Corse. T'as kiffé? Ouais, de ouf. C'était à fait quoi là-bas? Petit repos? Ouais. T'as travaillé? Non, vraiment repos. Repos pur? Et des trucs que je peux pas raconter. Donc. Allez! Ah, non, j'ai va. Fait. J'ai, c'est avec des potes, on est posé, on consomme. Ah oui, voilà, des choses. La drogue douce. Ouais, allez, mais douce! Là. Mais douce, non, si c'est douce, c'est cool. La drogue douce, et on a fait. Ils m'ont baptisé à la manière d'une secte. Ah dans oui. une petite crique dans l'eau pour rigoler, mais en fait on savait pas qu'il y avait un mariage ce jour-là sur la crique, donc vraiment il est marié et nous on arrivait, j'avais des draps et tout autour de moi. What? En fait, on a fait un jeu où on s'est dit, vas-y, on fait semblant d'être une secte et vous allez me baptiser à la crique, tu vois. Ah oui, d'accord. En mode Midsommar. Ouais. Et donc j'avais des colliers de fleurs, des trucs machin, mais on n'avait pas prévu qu'il y avait complètement des noces. Enfin, il y avait un mariage avec les mariés qui arrivent et la wedding planeuse qui pouvait bouger parce histoire. Que c'est les mariés fou. Vont arriver en bateau, donc t'avais tout le monde bien sapé pour le mariage. Et quatre connards vont me baptiser à la crique. C'est un film, ça, c'est un film. Jérôme, t'es en train de faire un film. C'est pour ça que j'étais pas dans ta maison de vacances. Ouais, parce que nous, c'était on a mangé des Kinder, il pleut. Et kinder. On a fait des manages. Ouais, c'est vraiment ça. Mais c'est pas des Kinder quoi. Non, oui, des Kinder. Non, ça s'est résumé c'était, à ça. C'était magnifique. C'était génial. Très bon. Ça avait l'air trop bien. On a passé de très bons moments. On est allé au City Stade aussi. J'ai appris le mot City Stade à Jérôme aussi. Qui... Oui, Jérôme savait pas ce qu'était un City Stade. Alors attends, est-ce que tu sais ce que c'est un City Stade? Non. Ah voilà, moi non plus, je connais pas. N'hésitez pas à envoyer plein de MP à Morgane. T'en as déjà vu. Vous savez ce qu'est un City Stade. T'en as déjà vu un comme moi, mais je savais pas. Et du coup, Adrien m'a appris. Tu peux courir comme tous les stades. D'athlétisme. Non, je te laisse expliquer, Adrien. Avant l'émission, elle a dit j'ai pas pu aller au sport, donc je me suis acheté un jus de fruits. Donc évidemment que c'est pas ce que c'est un City Stade. Ouais, c'est un jus. Les City Stade, c'est les terrains de sport où il y a à la fois des buts de foot et des paniers de basket et il y a des barrières autour. Et tu peux aller faire du sport, mais c'est un truc plutôt urbain, quoi. En fait, tout est au même endroit, quoi. T'as et le basket et le foot. Petit terrain de foot, terrain de basket. Terrain. Ouais. Voilà. Après, j'étais pas à des années-lumière en disant c'est un stade, quoi. T'avais le mot stade. Qui était dans le titre. Et vu que t'es bilingue, tu savais que c'était en ville. En fait, c'est un restaurant de ramen. Détrompe-toi. Et donc dans mon intro, je voulais revenir sur un extrait qu'on s'est réécouté pendant les vacances avec Jérôme. Je sais pas si tu le connais, Morgane. Il y en a deux, cela dit. Alors non, moi je pense à celui de la radio. Oui. Puisqu'il y a quelques années, Jérôme... J'ai failli faire le même bruit là, à l'instant. Jérôme avait été invité dans une émission de radio pour faire la promo de je ne sais plus ton spectacle. Sur France Bleu, je crois. Oui. Sur France Bleu Pays Basque, tout simplement. Et c'était le 28 septembre 2022. Je vous laisse réécouter. Morgane, tu vas te régaler, je pense, te connaissant. Il y a notamment un passage dans le prochain film de Quentin Dupieux, Fumer fait tousser, dont il faut absolument qu'on parle ce matin. Avant, je vous fais quand même aussi réagir un petit peu à l'actualité. Vous qui êtes un enfant des années 90, Jérôme Niel, Coolio, ça vous dit sûrement quelque chose? Bien sûr, c'est mon ex. On est sortis ensemble, on a eu une anourette pendant un mois, en 2007. Je vous apprends peut-être qu'il nous a quittés cette nuit à l'âge de 59 ans. Excusez-moi. Oh, mais t'as vu comme il est mort de rire l'animateur. Mais, oui, bien sûr, mais il sait. Oh, le gasp. C'est le vraiment. Gasp. C'est incroyable. On dirait qu'ils l'ont pitché, qu'ils l'ont monté. Ah ouais. Non, ah mais... c'est incroyable. Bah, c'était en direct. C'est ça qui est fou. C'est que c'est un vrai. Ouais. Voilà. Et on y a beaucoup repensé pendant les vacances. Et je me suis dit peut-être pas assez de gens l'ont écouté. Et je voulais le partager à un maximum. À un maximum d'auditeurs. Mais parce que je pense que le journaliste avait son moment Carlos. Tu vois ce que vous souvenez. Oui, exact. Tu te du truc de Carlos? Et ça, je vis avec. Il venait d'apprendre qu'il mourait. Ah bah oui, ça c'est. Et on lui souhaite une bonne dernière, bon courage. Et c'est tellement long qu'on On dirait les gens qui glissent sur du verglas pendant longtemps. Donc oui, c'est le premier podcast de la rentrée. J'ai envie de faire une question, mais qui n'a rien à voir avec un jeu. Pour le moment, j'ai envie de savoir comment c'était vos vacances. Alors toi, tu as été dans c'était, une secte en Corse, donc. C'était formidable. T'as fait plein de trucs, toi. J'ai suivi ton Insta. T'as été chez Kalindi à un moment, Kanye Ramphule qu'on avait reçu avant les vacances. Ramphule. Et déjà, elle m'avait repris en plus. Après, je suis allé au Portugal. Après, je suis allé à Biarritz. Après, je suis allé en Corse. Mais tu vas te calmer, en fait. Ça va l'argent de France Inter là. J'ai énormément de pognon. Ça devient gênant. Ouais, non, mais donne-nous. Aller au Brésil. Attends, après l'épisode, ouais. Allez, c'est parti. Ok. Adri, moi c'était ça. Alors, j'ai fait moins de trucs, mais non, moi je suis parti un peu en Normandie, dans l'Eure, où il y a des bords de Seine magnifiques. C'était incroyable. Et des maisons de fou là-bas. C'est vraiment le rêve d'avoir une maison là-bas. Avec ton petit camion? Oui, je suis allé là-bas, mais dans un Airbnb. D'accord, je suis pas allé en baroudage. Tu veux dire que tu voudrais acheter une demeure? Une demeure dans l'Eure? Ouais. Ouais, oui. Pas assez bien d'accueil. Non, non, non, mais c'est la rentrée, c'est pas démarrage en côte. Non, mais... non, mais demeure dans l'heure, voilà. Oui, voilà, l'album de Bachung. Il l'aurait fait, on aurait applaudi. Il y a de la demeure dans l'air. Non, mais je suis rappeur. Non, mais vous êtes, voilà, vous êtes en train de créer un son ensemble. Après, je suis allé évidemment chez ma sœur à côté d'Avignon. Voilà, le soleil. T'as quand même traversé la France. J'ai quand même traversé. Enfoiré. Enfoiré, ouais, non, ouais, ouais, ouais. Okay, okay. Et puis après, bah, je suis allé chez toi. Ouais. En Bourgogne. En Bourgogne. Et t'es allé à Disney? Je suis allé à Disney hier. T'as ah! Pour la première alors, fois de alors, ma oui, vie. Alors oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, parce que la première fois de ma vie. Tu n'étais jamais allé à Disneyland Paris. Bah, j'ai bien aimé. Moi, j'aime surtout l'atmosphère des parcs d'attractions. Bien sûr. Donc là, c'est pas mal quand même. Donc, j'ai adoré, mais fatalement, tu te lasses plus vite que les gens avec qui tu es. Alors je sais c'est que à dire bah, c'est à dire que moi les manèges c'est moins mon truc. Ah oui, d'accord. Tu aimes, ouais, tu, est-ce que tu aimes te balader dans le parc par exemple, quelque chose c'est ça que j'adore. Ah, moi, il y a quand même une sacrée ambiance. Ouais, oui, enfin, mais s'il y a bien... une fois que tu t'es bien imprégné de tous les univers et tout, ouais. Si tu fais pas les manèges, tu trouves que t'as vite fait le tour toi de Disney. J'ai l'impression que c'est mais bah, il non, est mais... pas immense. Ça m'a choqué la dernière fois. Il est d'un bout à l'autre, c'est pas, tu marches pas tant. Il ah est ouais pas très grand. Putain, moi j'ai des souvenirs de d'avoir mal aux jambes à la fin de la journée. Ouais, mais bah, après j'ai faisais en courant, mais. Mais non, que... non, mais c'était très bien. Mais moi, par exemple, les roller coasters, ouais, j'en fais un ou deux et après je fais oui, oui, bon, ça va vite et oui, j'ai un peu envie de vomir. J'ai compris le principe, quoi. C'est un peu toujours la même chose pour moi, je trouve. Ok. Là où ma famille est plus. Folle de mon roller coaster. Ouais. Mais j'ai passé un excellent moment. Ok. Ton attraction préférée. Voilà, je te le demande. Ton attraction préférée, que c'est dur fait, à dire. C'est dur à dire, mais peut-être le train de la mine. Ah oui. Bah, le train de la mine mélange très bien sensations fortes et ambiance. Exactement, voilà. C'est pour ça que j'aime bien, parce qu'il y a une belle vue. Non, ça dure assez longtemps. Ça, Morgane, ouais. Me regarde pas comme ça, Morgane, regarde pas comme ça. Comme, comme le Japon, non, voilà, je sais jamais. Ah, mais c'est un mélange de tradition et de modernité, le train de la mine. Ah non, mais complètement. Il y a, alors, si je peux me permettre, alors là, c'est totalement de ma faute, mais moi, j'ai un petit Leatherman en porte-clés. Oui. Bon, bah, moi, je savais pas qu'il y avait un portique de sécurité. Donc, les mecs m'ont dit, vous avez un Leatherman. C'est quoi un Leatherman? Un Leatherman, c'est un couteau multifonction, mais moi, j'en ai un petit en porte-clés. J'ai une petite calèche. Oui. Ouais, à l'aéroport, à Roissy. J'ai pas pensé. Bagage cabine bloqué, bêtement. Et donc confisqué? Non, et j'ai dit, bah, vous avez pas un endroit où vous pouvez le laisser et je viens le récupérer. Ils ont dit, il y a plutôt bah, là-bas. On a juste ça, il m'a montré une poubelle. Je fais, oui, bah non. Vraiment, mais ça, c'est il Disney. Il a ouvert la poubelle. Voilà. Il a dit, on a que ça à notre disposition. Je fais, bah non, du coup. Mais ils n'allaient pas le dire comme ça. C'est ça que je trouve beau. C'est donc vous posez ici, regardez. Dans le trou de Mickey, monsieur de poubelle. Arrêtez. Et du coup, moi, j'étais dans l'embarras parce qu'en plus, ils le font plus. Le mini Leatherman. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il est plus en... Et en gros il m'a dit, oh les problèmes de il y a le il y a ils le font plus, j'allais pas le jeter. Non, il 50 balles en plus. Bien plus. Oh, j'ai cru rien. Non, non, mais bon, j'en sais rien. Mais non, mais en gros ils m'ont dit il y a un monop dans la gare RER, il a dit vous y allez et ils font consigne quoi pour 5 euros. La consigne est 12 km. Ah. Non, non, c'était juste à c'est à l'entrée, d'accord. Et il m'a dit à la gare de chez Simard de la Vallée. En vrai, ils ont bien géré parce que il m'a raccompagné, il est allé voir une de ses collègues qui avait le truc pour pas que je refasse la queue, il lui a dit il va à la consigne, ouais, et quand il revient, fais-le passer. Voilà, en une heure, c'était réglé. Quoi. Ouais, non, c'était hyper rapide. Par contre, la consigne, c'est genre, ils prennent un pauvre sachet en papier, t'écris ton nom dessus. Et 12 balles. Et 5 balles. Ouais. Mais bon, c'est vraiment des trucs qu'ils foutent après sous la caisse. Ouais. Y a rien, y a pas de casier, y a rien, t'as pas de ticket. Enfin, c'est vraiment. Tu sens qu'ils se sont dit, attendez, on peut vraiment se faire de l'argent, peut-être au noir, je sais pas. Ouais. Mais ça, Moi, je pense que je l'aurais tenté, je l'aurais mis dans un arbre juste à. J'y ai pensé, mais le mec, et en fait, je pense journée, qu'il y a peut-être un bise entre les gars. Parce que le mec m'a vraiment accompagné, limite. genre, non, non, mais. Et il m'a dit, mais vous pouvez pas le laisser à l'extérieur. Hein. Enfin, tu vois, il a anticipé le truc. Oui. Donc, parce que moi j'y ai un peu pensé, genre vas-y, je le mets au pied d'un arbre sous la terre, personne va aller ouais, gratter bah, là. C'est ça. Mais l'image, c'est ça, moi j'aurais pris dans la terre à l'entrée à de Disneyland. En plus. Le vieux fou sur la caméra de surveillance. Avec tous les gens qui rentrent avec les oreilles de Mickey et tout. Mais quoi? J'enterre mon couteau. Mais c'est pas Disney là, c'est la vraie vie, hein. 50 balles. Et non, après pour 5 balles, effectivement j'ai fait ça. Okay. Donc ça c'était le premier truc. Moi, pour moi, le point noir de Disney, la bouffe. Ah oui, c'est terrible. Mais c'est pas copieux. Ouais. Parce que on a mangé. Alors. Je suis obligé d'en parler. Après, attention, Disney, si vous voulez nous sponsoriser à l'occasion, la bouffe est délicieuse. Non, mais faut le dire. Non, non, pas partout. Pas partout. On est allé au resto Pirates des Caraïbes. Oh, ils sentent très fort le chlore. Alors, tout le monde m'a dit ça. Ah, oui, ça non, va. Toi, ça a été. Moi, je trouvais que ça allait. Okay. Là, la bouffe était bonne, par contre, pas assez copieux. J'avais faim. J'en aurais mangé deux de plats comme ça. Extrêmement cher aussi. Et là, ah, c'est vrai, c'est très cher. Mais tout est cher. Hein. Tout est cher, bien sûr. Et alors, après, pour le goûter, on s'est mangé des hot dogs. Une infamie. C'est-à-dire que tu commandes... Déjà, oui, c'est une infamie de manger des hot dogs pour le goûter. Avec des frites de base, et un coca. Pour le goûter. Pour le goûter, gros porc. Je suis d'accord avec toi, c'est une infamie. Que je me suis mangé une crêpe après et qu'elle était aussi dégueulasse. Donc j'ai dû remanger un burger. Non, alors ça l'a dit. Cela dit, bon point, il y avait des burgers vegan. Des hot dogs vegan, pardon. Bon point à Disney. Bon point, sauf qu'ils étaient dégueulasses. Sauf qu'ils étaient au Monoprix. Non, mais... c'est 12 balles. Mais il y a du vegan, monsieur. Mais allez-y. Et là, il te menace avec un couteau. Allez-y, allez-y. Avec ton propre couteau. Et en fait, c'est-à-dire que tu commandes, tu payes, et ta commande est prête. Immédiatement, donc c'est vraiment des trucs qui foutent au micro-ondes. Oui, bien sûr. C'est infâme. Alors je crois que t'as le resto de Ratatouille qui est un peu bon. Bah ouais, mais j'y suis jamais allé, je connais faut pas. Faut réserver les restos, mon pauvre. J'imagine. Et là où j'ai eu le seum, c'est que juste après, on est passé à côté d'un food truck où là, ils faisaient des hot dogs et ils avaient l'air délicieux. Je crois que c'est pas beaucoup beau. Plus. Non, vegan. Ouais. Ah ouais. Oh, alors vegan, oui. Non, mais par rapport, c'était de la chiasse, les hot dogs. Vraiment, c'est-à-dire que déjà, tu ne voyais même pas. Normalement, tu vois la garniture quand tu le regardes. Là, la garniture, elle est genre sous la saucisse, il y en a à peine et tout. Immonde. Si vous avez pas vos places pour Disney après ça, très bien. Mais le train de la mine, sympa. Non, mais après, en termes, c'est vrai que c'est très carré, l'orga et tout, c'est fou. Tu peux aller pisser quand tu veux. Un petit confort que moi. C'est important. Quand tu veux, dans les files d'attente, c'est plus compliqué, attention. Hein. Oui, dans les files d'attente, non, mais bon, faut quand même gérer. T'as pris un petit fast-pass? Non. Même pas? Non, même pas. Et pas trop blindé? Non, ça va. Ah, bah écoute, et parce que apparemment, là, c'est apparemment la meilleure période pour y aller en termes de. Apparemment, c'était les JO la meilleure période. Contre toute attente. Bah ouais. Ah. Disney, ça a déjà été ici à Disney? Ouais, en novembre dernier. Ah, donc récemment, donc ouais, plutôt... avec un fast-pass. Ah, moi j'aime bien parce que je me refuse R. Ouais, il faisait. Non, ça allait. T'as kiffé? T'es plutôt kiffant? Ouais, j'ai kiffé. On l'avait fait, mais vraiment comme des machines. C'est-à-dire qu'on a fait 9h. On arrivait à 9h du mat. À 15h, on avait tout fini. Waouh! Ah oui. Mais on a un peu fait ça. On est allé. Avec la fast-pass, on l'a dit. C'est ça. Ouais. Oui, mais les fast-pass, attention. Parce que c'est tu peux avoir la queue. Tu peux avoir un peu la queue à certains endroits. Attends, t'as fait toutes les attractions, non? Si. Enfin, pas les trucs pour bébé, quoi. Après, moi, le truc, c'est que je suis mal habituée parce toi, que. Toi, t'as comme fait les trucs pour bébé, je suis sûr. J'ai fait les trucs pour bébé. Tu pas fait le truc de Buzz Mo, quoi. Éclair, là. Ouais. Buzz l'éclair. Oh, c'est pas les bébés, Buzz l'éclair. Non, c'est ça génial. Va. Mais moi, je suis mal habituée parce que ma belle-mère étant chez Air France, t'as le premier week-end de décembre où Air France privatise Disney une nuit. Mais ça va pas. Pour tout leur CE. Ah ouais. Et donc, ça, c'est un peu la folie parce que de 18h à 3h du mat, t'as que le personnel Air France. Mais qui représente quand même énormément de monde. Ouais, c'est ce que j'ai. Bah, dont moi, parce que j'étais enfant d'eux. Ah oui, de ah personnel oui. Et en plus, et eux, ils ont le droit d'entrer avec des couteaux. Mais je me rappelle de sessions avec mon frère et ma soeur où on faisait le Space Mountain 5 fois de suite, tellement il n'y avait pas de queue. Après, on vomissait évidemment. Tu l'as fait, parce que tu l'as fait combien de fois dans ces conditions? Et les mecs qui nettoient, t'es trop content qu'Air France vienne. Génial. Pendant 6-7 ans, c'était ça. Oh, ça devait être et du coup, quand fou. Je l'ai refait en normal avec les moldus. Ouais, les gens du peuple. Les gens qui sont pas dans l'aviation. Ouais. Ouais, en novembre dernier, j'avais très peur de la queue et tout. Et c'est pour ça qu'on a pris tout de suite un passe-passe en disant, mais par contre. Sublime. Ouais. Moi, Space Mountain s'appelle Hyperspace Mountain. Oui, maintenant. Parce que c'est Star Wars maintenant. Voilà, c'est Star Wars. Très peu d'efforts. Je pense que c'est la même chose. Ouais, ah bah c'est exact. Il y a juste une voix qui dit machin, j'ai même pas les mots. Salut, je suis ton père, je suis ton père. T'es détecté, machin, puis t'as un écran ou t'as un vaisseau de Star Wars et tout. Mais attends, t'as quand même des décors de Star Wars dedans. Des quoi? Ils ont changé de décors. Des décors, mais pas beaucoup, dis-toi. Alors, ma grande surprise. Il y a trois drapeaux à la con. Non, mais surtout, déjà. Les trois quarts de Space Mountain, c'est dans le noir. Oui. Tu vois rien. Ouais. Et ça, ils aiment beaucoup ça. Hein. Ouais. Vraiment faire des attractions où la luminosité est au minimum. Ils aiment beaucoup ça. Non, mais c'est trop bizarre. Ils adorent on ça. On voit rien, quoi. Mais c'est pour te plonger dans l'univers, mon pauvre ami. Non, c'est parce que les finitions sont mal foutues. Ouais, je pense que si tu mets la tour de la Terre, lumière, c'est du monde. Un mec qui est en train de réparer là. Bah quoi? Et c'est Dark Vador. Non, Space Mountain, ouais, je l'ai fait du coup. Ah, t'as fait Space Mountain? Ouais, je l'ai fait. Moi, j'aimais bien Space Mountain. Sachant que mon frère m'a dit, t'inquiète, y a pas la tête à l'envers. Bien sûr que si. Ah, il fait encore des trucs de grand frère nul. Non, il a pas fait exprès. Ah oui, d'accord. Il a pas fait exprès. Hey, t'as pas peur là? Mais moi, c'est pas tant la tête à l'envers, je m'en fous. Moi, c'est plus la tête qui est secouée. Ah, bah ça, c'est chiant dans le train de la mine, je trouve. Et ouais. Justement. Ouais, bah bon. De toute façon. T'as pas fait la tour de la terreur? Non, ça enfin, c'est meilleur truc. Mais t'as fait les deux parcs ou t'as fait que le parc Disney? J'ai tout fait. Ça fait si longtemps qu'on parle de Disney. Mais je préfère Europa Park, je préfère dire. Ah ouais. Ah voilà, j'allais te demander du coup Europa Park, j'ai préféré. Mais pourtant, c'est que des grands 8 Europa Park. C'est ça, il y a quelque chose. T'es plein de contradictions, Adrien. Mais pas du tout. Et quelle est l'ambiance? Déjà, je trouve qu'en termes de parc lui-même, l'ambiance et tout, je préfère Europa Park. Ah bon? Il y a un peu des trucs partout, il y a pas de C'est sympa quoi, je sais pas. Ça. Non, et alors aussi, je peux dire aussi c'est peut-être sympa, que Disney, l'univers Disney, je m'en bats les couilles. Hein. Voilà, nous y voilà, on y vient. J'adore un Ratatouille. Ouais, ouais. J'ai jamais vu Pirates des Caraïbes par exemple. Ouais. Voilà. Ça va, Star Wars, si spécial. Bon branle, voilà, donc. Mais Pirates des Caraïbes, de toute façon, l'attraction était là avant le film. Bien non sûr, ouais, bien sûr. Oui. C'est l'attraction qui a amené au film. Exactement. Et ça, on oublie trop souvent de le dire. Pareil pour Ratatouille. Pour vous dire. Non. Pour vous dire à quel point ils ont fait, bah, on fait un film. Allez, pour vous dire en revanche, pour Space Mountain, non. Non, il n'y a, bah, a pas de film Star du tout Wars, Space. Oui. C'est depuis que ça s'appelle Hyper Space Mountain qu'ils ont fait Star Wars. Encore 6, je vous en supplie. Le train de la mine, c'est. C'est les cowboys. C'est Snowpiercer. Non, mais c'est pour vous dire à quel point Adrien était peu familier avec l'univers de Disney. Il est rentré avec un couteau. Donc, ça veut dire à quel point. Non, c'est pas un. Excuse-moi, il y a Indiana Jones. Ferry Aladdin. Si, il y a Indiana Jones. C'est vrai qu'il y a Indiana Jones. Mais alors, tu vois, par exemple, moi, donc avec Sébastien, on était à Los Angeles la semaine dernière. Bah, c'est mieux que moi. On écrit. Non, mais c'est parce mieux que moi. Non, on a fait le parc Universal d'Hollywood. Et ben, je sais pas si t'aimerais, parce qu'en termes d'ambiance, ce qui est très marrant, c'est qu'ils font des tout petits endroits où ils sont très thématisés, où tu vois vraiment l'univers et c'est fou. Genre, il y a le Super Mario World qui est assez dingue parce que t'as vraiment ça, des pièces, des persos, enfin, t'es vraiment dans l'univers, mais sur 50 mètres carrés quoi. Enfin, c'est vraiment un tout. Ah ouais. C'est des petits univers, ouais, très détaillés, mais dans des tout petits endroits. Ouais, mais pas mal. Du coup, tout fait un peu fake quand même. Ah, mais moi j'adore que ce soit. De toute façon, c'est. Bon, après, à Disney, c'est pas hyper. Non, c'est pas hyper réaliste. C'est ce que j'aime dans les parcs d'attractions. C'est le côté un peu carton-pâte, bizarre, machin. Hors de la réalité quoi. Bah tu pourrais, mais. Et là pareil, on a pris un fast-pass, une erreur totale, puisqu'il y avait de la queue nulle part, donc on a juste payé très cher. Oui, mais vraiment, comme des débiles. Ouais, ouais, bien sûr. Alors, c'est quand même le jeu juste, du jeu. Dans entre parenthèses, tout le monde s'en fout, Jérôme, c'était déjà allé à Disney, d'accord. je suis au courant qu'on. Je suis très content qu'on ait fait l'impasse sur moi, c'était il y a longtemps. Voilà. Okay, ouais. Et pas envie d'y retourner. Et bah, je trouve pas l'occasion. L'envie. Ouais, finalement. Non, mais. Ouais. Tu sais que ça suffit, hein, pas en fait. C'était avant que genre. Marvel et Pixar, ça devienne Disney ou pas? Ouais. Quand j'y suis allé. Du coup, je pense que tout Disney Studio, pourras découvrir. Ouais, je pourrais quand même. Ouais. Mais moi, cela dit, ça fait très longtemps aussi. Moi, j'ai pas vu Marvel et tout. Regardez la petite sortie qui se profile. Oh là là, je vais être invité cette fois. C'est vrai. On a le droit d'avoir un vagin. Et pourquoi pas? C'est toi. C'est comme les vacances. On va faire en sorte de trouver les 4 jours où t'es dispo, Morgan. Quand t'avais dit, je vous en reparle la semaine prochaine, et tu nous as appelé quand on était la veille de notre départ de chez Flo, quoi. Dans le sac. C'est à cause d'Axel Malivernet. On réglera ça hors antenne. Alors, c'en est où? Bah, on est rentré. Hein. Arrête de faire genre. Ça dit quoi? On est le 16 octobre, Morgan. Donc, l'été est terminé. Alors, on parle de vacances, on parle de voyage. Si vous avez pris l'avion. La transition. Non, mais voilà. Si vous avez pris l'avion. Surtout pas. Qu'auriez-vous dû faire pour rentrer dans le club très fermé du Mile High Club? Est-ce que vous savez ce que c'est, le Mile High Club? C'est les gens qui baisent. C'est si évident que ça. Allez hop. C'est ultra connu, ouais. Ah non, je savais. Non. Ah, il y a que les gros baiseurs qui savent. Attention, pardon. Attends, qu'est-ce qu'il faut? Adrien le gros baiseur. Adrien le gros baiseur. Ok. Attends, attends, qu'est-ce qu'il faut? Eh ben, c'est les gens. C'est les gens qui ont baisé dans l'avion. Alors c'est pas un truc officiel, Air France ne te donne pas. Tu me corriges, Morgan, mais Air France ne te donne pas un badge quand tu as baisé dans l'avion. Ok. Pas à Disney gratos du coup. C'est un nom. C'est un nom. Ouais. Ils ont donné comme ça. La culture pop quoi. Ah. Je vais vous expliquer d'où ça vient. D'ailleurs, la première référence au Mile High Club, expression du coup désignant les gens ayant baisé dans les avions. Non, ça remonte à 1785. Dis-toi, à bord d'une montgolfière dans un carnet du Brooks, l'un des clubs de déjà à l'époque. Putain, les baiseurs traversent les époques, c'est fou quoi. Attends, 1785. Eh oui, parce que c'est à bord d'une montgolfière, l'un des clubs de gentlemen londoniens les plus anciens et les plus exclusifs au monde. Ils avaient cette obsession de baiser. Il s'appelait le Mile High Club. Donc voilà, tu vois. Mile High Club. Les pardon. Hommes, hein. Et alors, Mile, c'est quoi? Mile, ça c'est. Mile High, bah c'est en hauteur des miles, bien sûr. Des kilomètres, des miles de hauteur de la Terre, tu vois. L'avion arrive à la. Alors, il faut savoir que l'avion reste un des endroits les plus fantasmés par les gens de faire l'amour dans je un avion. Pas, toujours. Pas, putain, ah ouais, ça me dégoûte. Bah non, moi, c'est plus l'avion. T'es tout ballonné comme ça, t'as le vent. De toute façon, si la clim se pose sur ma bite, l'air de la clim, je vais avoir des champignons. C'est vraiment, j'ai aucune envie, quoi. Non, et puis même. Enfin, moi, même être en chaussettes dans l'avion. Vous croyez que le liquide dans les toilettes par terre c'est de l'eau? Mais moi je fais bien, sont très à l'aise dans l'avion, c'est fou. Mais je comprends pas. Oui, mais je comprends pas le forte, enfin parce que même la cabine des toilettes est petite. Enfin, c'est dégueulasse, c'est immonde. Oh là. Ouais, non. Les odeurs, les trucs. Bon, rien. Par contre, en montgolfière. Oui, voilà. Là, on parle. Pardon. Là, on parle. Mais c'est une autre limonade. Mais sauf qu'on est d'accord que montgolfière. T'es là, t'es à l'exclusivité. Moi, baiser en ballon. Ah. C'est quelque chose que j'ai jamais fait. Tu vois le ballon là-haut? Bah, le ballon Disney à l'entrée. Enfin, tu peux baiser peut-être dedans. Il y a plus. Bah, il y avait une montgolfière à l'époque. Je crois pas. Ah oui, pardon. Ouais, il y a aussi un truc qui m'a énervé. Parce que moi, je m'étais dit, je veux soit la casquette Donald. La grosse casquette la, là, le avec, bec, avec le bec, la visière, soit le chapeau de Fantasia. Ah, de pas Mickey, mal. Pas mal. Ils n'ont aucun des deux. Non, là, leur grand truc, c'est tu scratches une peluche sur ton épaule. Ouais, ça, mais c'est marrant, mais c'est pas ça que je voulais, quoi. Bah, je comprends. Moi, je voulais Donald. Je voulais Donald. En parlant de baise. Oui, bah, attends, mais c'est fou Donald. Parce que. Le dingo, ils l'ont plus. Mais non, que on des, a pas ils ont c'est des surtout des serre-têtes maintenant. Ils l'ont plus parce que rupture de stock ou ils le font plus? C'est pas clair. Ok. C'est pas clair. Où va la France? C'est vous dire où va la France? J'ai rien ramené du coup. Je vais écrire à Walt. Ça vaut bien d'aller voter. Je sais qu'on les trouve sur Vinted et tout, mais moi je le voulais en souvenir. Et si vous le trouvez sur Vinted, vous n'hésitez pas, vous envoyez un DM à Morgane. Encore une fois, vous n'hésitez pas, vous envoyez tous les clients. Donc oui, quatrième. Pourquoi? Parce que premier, c'est la plage. Ensuite, c'est la piscine. Ça dégoûte. On aurait pu deviner, et non? La forêt. C'est vrai que ça aurait pu être un petit peu. Mais les gens aiment les quoi. T'as perdu le. J'ai perdu le truc. Je te dis, l'année de trop. Attends, la forêt? La piscine, la forêt, la même les assureurs, oui, la forêt. Il y a que la forêt à la limite. Les assureurs, pas la vraie forêt. Dans les agences, la. Dans une agence La Forêt, oui. Oui, oui, là, là. J'ai envie que les gens fassent ça derrière quand je baise. C'était leur pub. Et alors, à votre avis, vous risquez quoi si vous faites l'amour dans un avion? Oh, bah des mycoses. Ah, bah, ouais, voilà. Je pense que la compagnie peut te bannir. Alors, il te jette j'ai hors pas de la l'avion. Réponse, mais t'as pas la réponse, bah, t'as raison de poser la question. Non, j'ai la réponse, mais sur cette réponse-là, j'ai pas. C'est pas la réponse que j'attends, dirais-je. Mais une amende. Est-ce qu'ils peuvent atterrir d'urgence pour te virer du vol? Bien joué, Jérôme. Non, Morgane, évidemment, une amende. Ah, tu as raison. À ton avis, de combien? 5 000. Ça devient juste prix. C'est plus? 7 000. 8 900. 10 000. C'est plus? Tu mens. C'est plus? 20 000. C'est moins. 15 000. 15 000 euros. Wow. Mais pas que. Il y a également 1 an d'emprisonnement, dites-vous. Alors, c'est ce que vous risquez. Hein. Ça oui, peut être oui, moins. Oui, c'est comme. Ça peut être moins. Ça, je vous donne le maximum. Oui, mais après, l'article la 222. Maximale, l'article 222.32 du juste code pénal. C'est tortule, je crois. Pardon, d'accord. Air en cul. En cul Airwaves. Et vu le prix des billets, ah, ça pourrait être ça. Faut être bien c'est propre avant de décoller. Ça pourrait être le nom du gouvernement. Il y a des, oh là là. Il y a des douchettes. C'est la nouvelle clinique. Oh là là. La nouvelle chronique d'Adrien. Adrien Hopla. Donc, oui. Pourquoi c'est l'article 222.32 du code pénal? Parce qu'en fait, c'est l'exhibition sexuelle. C'est considéré comme tel. Oh, et oui. Si, comme un acte imposé à la vue d'autrui, bah, dans un lieu oui, accessible bah, au regard du public. Alors, bah, jusqu'alors. Attends, si tu baises dans les chiottes, bah, personne ne oui. te voit. Bah, à mon et avis, bah, c'est. J'allais y venir. Jusqu'alors, si tu baises dans y avait... les chiottes, il n'y a pas de prison, peut-être. Alors, non, si, il y avait une jurisprudence jusqu'ici qui permettait de relaxer certains clients quand on considérait le délit seulement lorsqu'un organe sexuel était visible. Ça pouvait passer de le faire dans les toilettes, par exemple. Mais malheureusement, une réforme. Enfin, malheureusement, c'est ce que dit l'article. Une moi, réforme. Pas... Putain, mais il faut vraiment. Mille fois hélas, hein, je le lis. Aux grandes dames de la rédaction. Cette rédaction de baiseur. Une réforme du 23 avril 2021 rend cette jurisprudence caduque, précisant que même en l'absence d'exposition d'une partie dénudée du corps, l'exhibition sexuelle est constituée si est imposée à la vue d'autrui la question explicite d'un acte sexuel réel ou simulé. Donc voilà, mais après il faut savoir. Réel ou simulé. Donc, oui, tu fais semblant de te laisser branler et. Tu peux te prendre un truc. Bon, et bah, pas de cunier. Et attention, c'est encore pire parce que dans un avion, il peut y avoir des parents avec leurs enfants. Là, les parents peuvent porter plainte. Et là, c'est encore pire parce que c'est exhibition auprès de mineurs. Donc là, vraiment, tu vas en taule longtemps. Et mais en même l'article temps, précise. Un peu, au monde, un peu normal. Et on vous parle de la France parce que l'article précise pas. Mais vu qu'on parle de compagnie internationale, certains pays n'ont pas les mêmes règles avec bien la sûr. Sexualité, oh la nudité. Donc oh là là. Voilà, ne le après, faites après, pas. Ryanair, je pense pas. Que tu peux baiser. Même le sol. Même le sol. Mais c'est un supplément. Tu payes un supplément. T'as pas le droit d'être habillé sur Ryanair. C'est plus cher si t'as une culotte. Vous allez me retirer ce slibard immédiatement. Alors on le sait, certaines périodes de l'année sont propices aux bénéfices de certains commerces, hein, les magasins de jouets à Noël, les abonnements à la salle de sport en janvier. Bien mais sûr. Quelle entreprise fait généralement 12 millions de chiffre d'affaires en septembre? C'est la question. La papeterie. Les fournitures, oui. Pas la papeterie, pas les fournitures scolaires. Les cartes. Vous aimiez faire la petite course des finitions scolaires? C'est un truc que vous aimiez? Oui. Quand j'étais gosse, ouais. Ouais. Bah, je sais pas, je moi maintenant, trop. Tu fais plus. Ouais, je fais moins les cours. Mais tu sais, en fait, il y avait toujours 2-3 stylos un peu hype, tu mais vois, ouais, à aller chercher, tu sais. Qui brillait. Vous vous souvenez de ce tout. Stylo qui avait une forme de ballon de basket là? Enfin, il avait pas une forme de ballon de basket, mais matière, il était un peu. La matière, ouais, il oui, était. Ah putain, là tu viens de me rappeler un truc. Ouais. Tu sais, il était orange et celui-là, tu voulais absolument l'avoir. Il y avait l'agenda l'étudiant qui était très stylé aussi, avec une reliure un peu cuir. Mmh. Ouais. Après, on n'est pas exactement de la même génération. Je suis plus de la génération de Morgan. Moi, c'était plus Covadis, moi, les agendas, personnellement. Ah bon? Voilà, marque d'agenda, c'était Covadis. Moi, j'avais pas d'agenda, je mettais tout dans ma tête à l'époque. Ouais. Mais t'étais HPI. T'étais, voilà, ouais, c'était pour ça que j'étais HPI. Exactement. Toi, t'aimais bien moi, Morgan. Moi, j'adorais, quoi. Ah les ouais heures de choix entre les stylos plumes poivre blanc, les cartouches, les stylos à la fraise qui sentaient le chiotte, mais à paillettes et tout. La composition de la trousse était très importante. Ah, moi, c'était que l'agenda. Moi, la trousse, alors c'est pas pour faire pleurer dans les chaumières, tout va bien depuis, mais nous on avait les fournitures scolaires gratuites dans ma famille. Ouais. Mais l'agenda, c'était le truc un peu foufou que tu pouvais acheter. Pourquoi t'avais les fournitures scolaires gratuites? Parce que j'étais pauvre, Morgane. Ah, waouh. Ah, j'ai soulevé un. Je me suis construit. Ouais, ouais, enfin ça va. Ouais, tu t'es bien reconstruit. Terrible, terrible. Tu t'es reconstruit ouais dans du dur, ça va. Non, là c'est. Vous le voyez pas là, mais il y a 7 trousses sur la table. Il est devenu complètement fou. Il a un tapis en trousse, il a des plaids en trousse. Il déborde de Tupex. C'est Trousseman, voilà. Bah, j'allais dire Trousseman Joe. Trousseman Joe. Mais ouais, le choix de l'agenda, incroyable. Là, ça, c'était très important. Et je rachète des agendas papier. Alors, Adrien adore que je fasse ça. Non, j'aime bien. C'est ridicule, mais. Voilà, et moi, j'adore écrire sur un agenda papier. Mais écoute, ça fait qu'un an que je suis à l'agenda iPhone. Ah ouais, mais moi, j'aime bien. Ça. En fait, j'ai un truc d'écrire à la main et j'ai pareil avec les notes quand je fais des réunions d'écriture, ça rentre plus facilement dans ma tête que mais un jour j'ai perdu mon agenda. Noter, c'est que ça rentre pas dans la tête, c'est que tu le notes. Bah ouais, oui, mais du sinon, coup ça n'a aucun intérêt si tu t'en rappelles pourquoi tu le notes. Ouais, parce que je m'en rappelle. Ah bah, il va être beau, il veut le dire, putain. Non mais je m'en rappelle pas par cœur, mais ça m'aide un peu, ça stimule mon cerveau, j'ai l'impression. Non, ouais, non mais je peux comprendre. Tu vois? Je peux comprendre. Toi Adrien, les fournitures scolaires, c'est quelque chose? Je me rappelle pas. Honnêtement, je sais plus. Toute mon enfance, vraiment, mon cerveau a occulté en fait de manière générale. Pour donc de je bien sais sûr, pas, bien mais... sûr. Non, non, je plaisante, mais non, en vrai, je sais pas si c'était un truc cool. J'adore la papeterie maintenant. Oui, toi, je te connais. Mais à l'époque, je sais même pas si je sais plus. Bon, voilà. Sublime. Alors, voilà. C'est quoi qui fait 12 millions? Alors, ah oui, c'est vrai. Mais oui, j'ai pris un petit virage, pas l'autobrosant. Mais c'est un rapport avec la rentrée scolaire ou... C'est plutôt avec la rentrée scolaire. C'est pas les cartables. Pas les cartables. Les chaussures. Oh, un accent, un perso. Les chaussures. C'est de la sape? C'est pas de la sape. Les gommes. Pas les gommes. Mais c'est quoi les fournitures? Les couteaux, t'as dit? Ouais, c'est Adri. Pour un peu planter ses petits gosses. Bien sûr. Les gosses, t'inquiète qu'ils auront. C'est pas de la fournite, t'as dit? C'est pas de la fournite. Ça a rapport avec l'école ou pas? Ça peut, mais pas que. Ça peut mais pas que. Ça peut mais pas que. C'est pour les enfants? Ça peut mais pas que. Ah. Pour les étudiants? Ça peut mais pas que. Les parents? C'est peut mais pas que. La nourriture. On dirait Ruquier. Une émission de Ruquier pour moi. C'est un truc que tout le monde utilise en fait. Ah oui, t'es même souvent obligé. Brosse à dents. C'est pas un objet. Non, pas une brosse à dents. C'est pas un objet. C'est pas un objet. C'est plutôt un outil qui permet. Voilà, un service, un outil. Un gros outil. Carte d'avion ou carte de transport? Non, c'est quand je dis c'est un outil, c'est. T'as dit quoi? Carte de transport. Ah, on s'approche. Les billets de train? Pas les billets de train. Une voiture? On était plus proche avec le permis de conduire. L'inscription au permis. Le code de la route. Non. Je t'en mets un. Vélo. Mais tu es le plus proche. Les vélos. Non. Les vélos. Le bus. Les trottis. Tu parlais de carte. On est plutôt sur le domaine de la carte. Une carte de cantine. Non. Pas une entreprise de carte de cantine. Une carte de transport. Non. On peut en avoir besoin pour une carte de transport. Attends quoi? Un portefeuille. Les portefeuilles. Pas les portefeuilles. Les sacs. Les porte-cartes. Les sacs. C'est un service, hein, vous l'avez dit, hein. Pas les porte-cartes. Wallet dans la Apple Store. C'est un service offert par Navigo. Une grosse machine. Voilà, je peux pas vous dire mieux. Elle l'a. Non. Ou elle va dégager. J'étais en train de. La SNCF? Non. Alors non. Attends, c'est juste... attends, c'est un service offert par une énorme machine. C'est une énorme machine. Un service offert par une grosse machine. Attends, ouais. Mais une grosse machine, tu. Non, c'est littéral. C'est une grosse machine que vous pouvez trouver effectivement dans une gare. Vous pouvez en trouver. Allez, photomaton. Très bonne réponse, Jérôme. Yeah, oui. Mais tu comprends maintenant. Parce que c'était dur de vous dire j'étais un peu emmerdé. 12 millions. 12 millions, vous imaginez, chaque année. La vache, c'est ce que fait, je pense, Disneyland en une journée. C'est ce que fait Squeezie. Squeezie en deux vidéos. 13 millions de documents officiels avaient été mis en forme en 2019 contre 19 millions en 2023. Suivant cette tendance, la demande de photos officielles a beaucoup augmenté. C'est vrai que de plus en plus, de plus en plus, on demande des dans les documents officiels des photos d'identité. Bien sûr. Avec de plus en plus de règles aussi. Oh, oui, quand oui. j'étais petit, on pouvait sourire. Pas de lunettes, pas de couteau, pas de chapeau. Ouais. pas le chapeau de Fantasia. Ouais. Non, mais c'est pénible. Et puis quoi Voilà, et maintenant, il y a en plus le succès un peu rétro. Les gens aiment bien aller dans les photos bâtons. On voit ouais. beaucoup de jeunes moi, y aller. Moi, je l'ai fait chez le photographe. Ça. Ah ouais c'est, bah, c'est plus simple pour les réussir tes photos d'identité Pardon d'un coup chez le photographe. Qu'est-ce que tu racontes Non, mais ça va. Mais chez qui ça va Mais chez quel photographe déjà Il y a un arrière-plan un cosmos derrière. Mais non, mais t'as les petits. Moi j'appelle Alice Moitié, et puis elle vient chez moi. Mais attends, mais c'est trop chou, tu vas y chez y le photographe. Scobar, tu vas chez le photographe. Sur une planche de bah surf, oui, mais les... Comme pour faire. Et c'est les photographes qui prennent les photos officielles des bébés pour les passes. Parce que pour c'est Christiane, vrai. Non, non, mais dans les petits trucs Kodak et tout, les petits. Le mot-clé étant pour les bébés. Oui, mais comme ça, il te dit là, tu souris trop. Tu as la bonne photo d'un coup. Mais là, la machine te le dit automatiquement maintenant. Genre, tu. Genre tu sais que tu vas pas te tenir dans un photomaton, tu vas faire des grimaces et tout. Non, s'il vous plaît, concentrez-vous. Donc c'est pour ça que t'as besoin d'un humain. Genre, quoi. Tu souris trop, c'est pas compliqué. Tu souris pas. Voilà. Un photographe qui dit non, mais rangez votre langue. Écoutez, bah, c'est trop chou. Je savais pas que ça. Allez au photomaton. voilà. Ça très chou. La rentrée. Est-ce que c'est plutôt cafard pour vous? Est-ce que c'est plutôt agréable? Est-ce que ça a eu une petite excitation? Toi, t'as déjà repris Morgane, j'ai vu. Ouais, justement, j'ai vu qu'il y avait deux chroniques là sur internet. Moi, c'est un peu cafard. Ah ouais. Bah les gars, j'adore l'été. Enfin, c'est vraiment c'est pas pire cafardos que la rentrée de janvier qui me donne vraiment vraiment très envie de mourir. Oui, c'est nuit très tôt. Ouais, moi c'est un peu ça va, je suis contente de retrouver mes potes que j'ai pas vu de l'été et tout, mais et quand il y a un petit été indien qui fait beau que tu prolonges un peu, c'est cool. Mais là cette année, ouais, je trouve c'est un peu cafard. Ah, c'est drôle. Ah, j'étais bien en vacances, j'étais bien au mois d'août. Mais toi en règle générale, t'aimes les vacances? Ouais. Non, mais c'est pas. Il y a des. Voilà. Puis j'aime bien quand il fait beau et chaud. Ouais. Donc là, moi, j'aime pas ça. Le petit toboggan qui va nous amener jusqu'à décembre, là, il me. Ouais, il est déjà bien frais d'ailleurs. Ouais, mais moi, c'est ça qui est embêtant, c'est que j'aime bien septembre-octobre. Ouais. Et c'est dès novembre, ça me saoule un peu. En fait, le changement d'heure me jusqu'à saoule. Jusqu'à juin. Ouais. Voilà. Non, mais c'est un peu ça. L'été pur, j'en suis pas fan, moi. Okay. Mais c'est vrai qu'il y a une semaine maintenant, un peu plus d'une semaine, où tu vois la différence, où tu dis ah ouais là c'est parti, c'est un peu vraiment terminé. C'est quand tu vois par exemple je vais à la salle de sport où il y a très peu de fenêtres, voire même pas de fenêtres, et donc quand tu ressors après 21h, là ça y est, là depuis une semaine il fait nuit et tu fais ça y est, c'est fini, la tristesse ça arrive, tu sais, c'est moins jovial, enfin il y a un truc vraiment qui tu sors, tu fais ah merde. Tu rejoins pas des gens dîner à 20h30, t'as l'impression que c'est déjà le soir, quoi. Ouais. Ça c'est le truc, c'est vraiment le truc que je vous rejoins. C'est la nuit qui tombe tôt. Ça vraiment, ça me déprime aussi. Mais par exemple, la rentrée, j'aime bien l'idée de je fais des trucs. Mais j'aime pas l'entre-deux. Après, tu vois, ceci dit, quand il fait vraiment nuit à 17h30, là au moins c'est honnête. Non, mais tu vois, on est dans l'hiver, c'est chocolat chaud, c'est champagne, c'est le plaid. C'est un truc. Non, mais tu vois, c'est un cafard qui dit son nom. Et j'en fais mon. Non, mais j'en fais mon parti parce que c'est vraiment l'hiver. Je suis avec toi là-dessus. C'est pas un café. Ah, oula, allez, c'est terminé. Café gourmand. Ouais, trois cafards gourmands, c'est vraiment. Ma cuisine, moi, c'est un peu cafard aussi, moi, cette année-là. Adrien, quand en fait, je trouve que l'été, c'est un peu. C'est un peu la fin de l'été, la quintessence de ah, j'aurais pu faire plus, tu vois. Ouais. Et c'est un peu ta vie, mais en condensé sur 2 mois, quoi. Mmh. Et du coup, la rentrée, il y a un peu un cafard de ah, c'est un peu un lit de mort, un peu. Tout le mois de septembre, c'est comme si t'étais sur ton lit de mort et tu fais ah, j'aurais dû faire plus. Ouais. Bon, après, il y a l'avantage de ne pas être mort, ce qui est bien. mais je dis ah, j'ai pas assez profité de l'été, j'aurais dû faire plus, j'aurais dû bouger. Septembre, tu retrouves un peu tous tes potes à qui tu racontes ton été, du coup, moi ça me remet dedans. C'est ça. Et ouais. Ça me rend compte que je suis littéralement. C'est pour ça que tu fais cette gueule, parce que c'est ce qu'on a fait littéralement début. Oui. On lui a foutu le cafard pour l'émission, quoi. C'est marrant, je sens que je suis totalement l'inverse de vous. Moi, mais c'est toi, vraiment. Peut-être t'es peut-être tout simplement heureux et pas vivant dans ta vie. Non, chier, dans ta vie perso, non, je vais vous dire les choses. Je vais vous dire les choses. Il fait nuit tôt avec ma fille, en campagne. Super gosse. Non, je vais vous dire. Non. Oh, non. Je suis bien. Non. C'est pas. Voilà, moi j'avais les yeux fermés, je sais pas qui a dit quoi. Eh bah voilà. Referme les yeux. Non. Vas-y, Jérôme. Floodcast, bonjour. Attends, Flo, laisse Jérôme. Vas-y. C'est le Floodcast. Ça, attention, hein, moi je peux laisser durer ça 20-25 minutes. Du coup, faut que quelqu'un imite Jérôme, quoi. Les salopes. Gars. C'est Jonathan Cohen. Bah, c'est également c'est moi aussi. C'est Jérôme, il dit beaucoup gars. Jonathan Cohen, c'est déjà. Ouais, mais pas. Ouais, c'est pas le même gars en fait. Non. C'est un gars. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est un truc bien plus, bien plus beauf, moins stylé que. Toi, c'est un gars d'exaspération, toi. Ouais. Non, mais gars. C'est vrai. C'est bon. Allez, terminé. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bien, bien. Attends, attends. Ouais, c'est vrai, c'est un peu plus de. Tu peux refaire Jérôme. Bien analysé. Non, je vais mal le faire. Non, mais c'est vrai. Tu sais, Fabien Olicard, ouais. Bah, il ferme sa gueule quand il voit Adrien. Il n'ose pas parler, il dit bon, bah allez, je laisse Adrien parler. Il gère beaucoup mieux que moi. Bien, bien. Il gère beaucoup mieux que moi. Et analyse pas mon attitude corporelle, c'est pas le. mon langage corporel, c'est ce que je voulais dire. Eh, ça va, c'est bon, c'est la rentrée. Là. Donc, ce que je voulais dire à la base. Moi, je crois que je vais être d'accord avec toi. C'est que moi, je vois en Morgane et Adrien. Ta gueule. De gros connards. Non, des gens. Qui veulent que leur été soit rempli de trucs sympas à faire. Mais alors pas que forcément, moi, mais cet été-là, mais nos vies, on fait ce qu'on peut, mon pauvre. Mais Flo. Vu que moi je fous rien l'été, la rentrée est oui, un peu quelque chose qui dit allez, on se remet mais en toi, jambe. T'as eu, toi, t'as eu mon été de rêve. Hein. Non, mais c'est un peu comme les gens après Noël, tu sais, après les fêtes de fin d'année, qui se disent allez, je prends une carte au sport et j'y vais. Moi, j'ai un peu ça. Mmh. De, ah oui, avec j'ai donc. Rien branlé de mon été, c'était trop bien. Là, ça y est, il faut que je refasse une petite activité. Et t'aurais activité. Pas rien branlé 2 semaines de je plus. Je te jure que non. Après j'ai un enfant également, donc c'était pas les vacances les plus reposantes et peut-être le travail. Ah oui, parce que moi je prends rien, je prends rien. C'était un bonheur. Non non mais t'as eu un été magnifique. C'était le franchement un des meilleurs étés de toute ma vie. Voilà, donc, les meilleures vacances. On va et pourtant je suis content. Tout ce que t'as dit avant. Non parce que et pourtant je suis ouais, content. Gars, d'y avoir... et pourtant je suis content de retourner travailler. C'est ça que je te dis. Et voilà donc tout est bien. C'est dans top. Ta vie. Mais franchement parce que tu fais un métier passion. Oui alors que toi t'es au bagne chez Nagui. Excuse-moi. Excuse-moi Morgane. Je casse des cailloux. Donc t'es d'accord avec moi Jérôme ou pas du tout un en peu fait d'accord avec toi mais ouais. Sous un autre angle moi aussi je suis content que ça reprenne. Parce que je, justement c'était des vacances où j'ai beaucoup mangé et bu également. Et du coup je suis content de sortir de ça. Et de retrouver un rythme différent. Et plus le travail a, en fait plus le travail arrive, plus je me un petit marque cadre, ça, hein. Ça te cadre un peu quoi. Exactement. Ouais, donc là, là vraiment les deux dernières semaines, par vrai, principe, je continuais de boire. Mais oui, je me par suis... respect pour l'été. Voilà, c'est ça. Mais je me suis, il faut que ça s'arrête le plus rapidement possible. Et moi j'ai un peu ça aussi. Ouais, mais autant pousser jusqu'au 1er octobre dans ce cas-là. Non, non mais franchement, le corps ne toi-même tu pas. Sais, ouais. Je non, je pourrais ouais. Pas. Je pourrais pas en tout cas. Surtout que moi j'ai pas été sympa quand tu es venu. J'ai voulu être sympa. J'ai acheté toutes les variétés de Kinder de la Terre. Non. Et en fait. Tout le monde m'en a un peu voulu. J'ai mais senti non, une non, ambiance non, de non, la non, maison. Non, non, justement. Et non, mais par exemple, ce que on était cool. Enfin, là où j'étais trop content, c'est quand je suis allé. Je disais quand je suis allé chez Flaubert cet été, c'était comme si j'allais chez ce pote là qui avait absolument tout. Oui. Ouais. Toutes les confiseries, alors que moi à l'époque il y avait juste un petit paquet de chips, donc bien c'était sûr. À chaque fois que j'allais chez Spot, c'était vraiment là, c'était la folie. Donc là, ça a été ça pendant 3 jours. Et du coup, pour équilibrer, t'as vu, j'ai bu qu'une bière avec ouais. Adrien en plus ouais. Le premier soir. Assez peu d'alcool. Et ensuite, rien. T'aurais testé, Morgane, t'as bien fait de pas buter. Alors que si, il nous avait mis tellement bien parce que Flo ne boit pas, mais il y avait effectivement chaque type de vin. Bière et tout et avec Axel qui boit aussi comme un peu comme moi un enfin moins non mais voilà attends, Axel je suis en train de le mettre dedans gratos ça n'a aucun sens mais tous les deux on s'est sentis tels des Jedi on s'est même pas parlé on a juste pas bu tous les trois mais du coup on a bouffé comme des gorées. Ah on a bouffé comme des gorées. On a bien mangé ça ouais et ça c'était ah donc là ça, tu peux boire tu peux juste pas manger bah en fait c'est soit l'un soit l'autre et maintenant j'essaye de faire ni l'un ni l'autre en tout cas la semaine. Ouais, voilà. Bah on se verra plus tard. Ouais, on se verra le week-end. Cet été, je sais pas si vous l'avez vu passer, mais il y avait les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. Voilà. Alors, savez-vous qui est la petite Apolline ? Que vous l'avez vu passer ? Est-ce que c'est la fille qui s'est pris un vent par. J'allais dire Thomas Pesquet, Marchand, merde. Léo Marchand. Thomas Pesquet, c'est drôle. Oui, désolé, j'ai pas trop le temps. Non, parce... cosmonaute. Non, parce que je pense que mes yeux se sont posés sur un truc où c'était écrit Thomas Pesquet. Okay. Par Léo Marchand. Pierre Palmade. Non, désolé, mais mes yeux se sont posés sur ta bibliothèque, pardon. Et du coup, il s'est pris un tollé sur les réseaux sociaux et du coup, il lui a offert après non, des cadeaux. C'est ça. Ça m'énerve un peu. Ah, qu'est-ce qu'il a ? Il a le droit de pas avoir le temps. Ça se trouve, il en a fait 500 avant. Évidemment. Non mais c'est un peu ça rejoint un peu le truc. Non mais ce qui a touché les gens c'est que la gamine est trop mimes quoi. Oui, bah, elle se tourne vers la caméra elle a dit non mais c'est pas. En plus grave. Elle l'a même pas mal pris oui. La gosse. Elle a dit la gosse a été plus mature que tous les gens sur internet. La gosse a dit bon bah c'est pas grave et tout le elle monde avait dit, le hey, c'est honteux. Ça elle avait le seum. Oui elle mais alors et bah non, ça lui moi, apprend la vie. Moi voilà, c'est moi, une que mauvaise j'ai... leçon pour cette gosse. Moi en soi Léon Marchand il a pas pris le temps machin et tout bon je m'en fous d'ailleurs. Mais ce que j'ai aimé c'est que après évidemment vu qu'il y a internet il a réagi etc il a vite voulu voilà mais je trouve qu'il l'a pas fait. Ah, j'ai pas vu comment ça s'est assez passé. Assez bien. Bah, alors, je vais vous raconter un petit peu. Donc, il lui a refusé parce qu'il a dit, ouais, non, j'ai pas le temps. tout à fait normal. Un peu dur. Il a le droit. Mais non, mais quoi ? Je suis avec Adrien, sans grande surprise. Mais ça rejoint un peu le truc. Si vous voyez, je sais pas si vous avez suivi Chapel Rose, je sais pas si vous voyez. Non, qui c'est quoi ? C'est une chanteuse, elle est en train de exploser. Oui, oui. Et elle s'est fait démonter parce qu'elle a fait justement des TikTok pour dire. En fait, on a le droit d'avoir une vie et genre, bien quand sûr. Vous abordez les gens, soyez respectueux. Ouais, ouais. Apparemment, c'était horrible de dire ça et elle s'est fait défoncer. Bon, en tout cas, évidemment d'accord avec elle. Vu qu'Internet s'est un peu agacé, l'équipe de com de Léon Marchand et lui-même ont un peu essayé d'arranger les choses. Donc, ils ont appelé la petite fille. Il a fait un appel vidéo où il a présenté ses excuses, apparemment, à Anaïs, en disant « Désolé, j'avais pas le temps ». Il se donnait des coups de martinet aussi. Adrien et moi levons les yeux au ciel. Ouais. On ne voit pas, mais... Il a rendu deux de ses médailles. Ouais. Non mais il a fait vraiment le bon truc. Il a dit que j'irai plus pendant un an. Il a entamé une grève de la faim. Il m'a dit que j'allais recevoir un petit cadeau, un bonnet, un livre dédicacé. Alors déjà je me suis dit il y a déjà un livre sur Léon Marchand, ça va une vitesse d'édition, bah, c'est incroyable. Et sur la photo on voit la dédicace de Léon. Je vous dis la dédicace. La dédicace de Léon, elle est pleine d'émotions et de regrets. Attention, pour Apolline, de la part de Léon. Il a signé. Et ça me fait une petite chance qu'il ne soit pas lui qui est... Ou alors un peu passif-agressif. Non, je pense que c'est justement lui. Ouais, tu vois, parce que pour toi, point. Ses équipes, ce serait peut-être plus appliqué. Peut-être, ouais. Continue la natation, parce que c'était ça qu'elle tient. Non, mais un truc c'est de... fou que ça prenne des proportions pareilles, quoi. Enfin, oui, il a le droit moi, de marcher, ça m'a fait un peu rire, parce qu'ils sont pas allés au bout de la gestion de crise. C'est-à-dire que la dédicace est vraiment d'un niveau basique. Mais que tu dois pas gérer des crises qui sont pas des crises. Non, mais ça va. C'est une mini-crise. Il est millionnaire, le mec, maintenant, jusqu'à la fin de sa vie. C'est une mini-crise. C'est une mini-crise. Après, tout le monde n'est pas comme ça. En tout cas, moi, je voudrais vraiment remercier tous les gens que je croise. Enfin, tu vois, à chaque fois, je suis en terrasse et tout. Il y a trop de gens qui font semblant de pas me reconnaître pour que je puisse manger en paix et tout. Et ils sont cool. Et je trouve ça hyper classe. Merci, merci à vous tous les jours de vraiment jouer si bien le côté je suis personne. Ça vous est déjà arrivé de croiser quelqu'un et vous trouvez, enfin c'est pas que vous avez mal réagi mais c'était pas le bon moment ou un truc comme ça, vous avez pas eu la réponse adéquate ou des choses comme ça, ça vous est déjà arrivé? Non. Enfin, citer un exemple, vas-y. Moi c'était au tout début quand je commençais à faire les chroniques sur France Inter, la quotidienne elle s'appelait Morgane ne vous aime pas. Oui. Oui. Et c'était un peu le gimmick de dire je vous aime pas en début de chaque papier. Mmh, ouais. Et il y avait un mec quand je courais à Montmartre en footing et un autre jogger qui m'a croisé qui m'a dit je vous aime pas. Et c'est sauf que j'avais commencé depuis deux jours. J'ai fait ta gueule. Et je sais pas, on était tous les deux. Et j'ai compris, mais une demi seconde trop tard, que c'était en ref à la chronique. Mais je croyais que c'était vraiment un mec qui. J'ai commencé à lui courir après. Reviens, sale con. Et après, ouais. C'est Norman là. Bah, c'est très marrant. Ouais. Adrien ? Non, moi j'ai. Enfin, ça a dû arriver, hein, peut-être. Mais moi, c'est. En fait, un jour, j'étais au téléphone. Ouais. Et en plus c'était une conversation un peu délicate quoi. D'accord. Et j'étais en train de marcher dans la rue et je croise deux meufs et je vois qu'il y en a une qui me regarde et je fais pas trop gaffe sur le moment et je continue de marcher mais pendant quand même un bon moment quoi. Et je suis toujours dans mon coup de fil et en gros au bout de je sais pas 5 minutes je me suis rendu compte qu'en fait les meufs elles m'avaient suivi et la meuf elle me tape l'épaule alors que je suis au téléphone. Ouais. Et elle dit ouais excusez-moi machin. Et je l'ai pas laissé finir sa phrase. J'ai fait un geste genre je suis au téléphone quoi. Et elle a vraiment eu une tête genre elle était outrée quoi. Ah ouais. Alors que j'étais au téléphone. Parce qu'elle va dire oh là là il adore écouter sa musique ce Adrien Méniel. Il aime pas qu'on le dérange. J'étais en train de parler hein. J'étais en train de parler et tout quoi. Donc elle savait que j'étais au téléphone. Mais elle était outrée que. Et donc ça a été un peu expéditif. Mais parce que c'était un appel assez délicat avec quelqu'un qui allait pas bien et tout. Donc j'allais pas dire attends excuse-moi. On vient de me reconnaître. Continue de pleurer hors appel. Donc voilà je pense pas que je me suis mal comporté. Non mais si la personne qui écoute le podcast, elle peut ne pas hésiter à envoyer un DM à Morgane qui pourra un peu surtout de lui rassurer. Pas déranger les gens quand ils sont au téléphone. Voilà. De manière générale. Moi récemment j'ai eu un truc un peu pas c'était plutôt mignon. J'étais avec ma fille et ma fille bah forcément alors je me fais pas souvent reconnaître. Jordan Bardella. Elle s'appelle Jordan Bardella Bernard. Ouais, voilà. Ouais, tout attaché. Elle comprend pas qu'il y ait des gens que je connais pas qui. Alors ça m'arrive très rarement, mais quand ça arrive, elle comprend rien. Mais quand elle comprendra, elle deviendra horrible, malheureusement. Donc... Je fais tout pour. Oh là là. Et donc il y a deux personnes, deux nanas qui viennent voir, on écoute le podcast, on a vu nous les Leroy, machin. Et elle arrêtait pas de me parler Donc j'essayais de faire un peu, voilà, d'abréger la conversation parce que j'étais avec ma fille, mais de rester poli quand même par respect pour ces gentilles personnes. Et ce qui était très marrant, enfin ce que j'ai trouvé très marrant, c'est que ma fille me tirait la manche en disant, c'est qui elle? Elle pensait que tu trompais ta meuf, sans doute. Il faut savoir qui c'est. C'est qui les deux biatches? Les femmes qui sont. Qui sont ces chouins, papa? Calme-toi. Toi, Jérôme? Moi, j'ai pas trop de souvenirs, mais je dirais c'est comme Adri. J'ai un vague souvenir du téléphone où on me dérange et pareil, je fais un geste à dire. Mais mon regard disait, mais t'es con. Oui. Ouais, mais en fait, là, vraiment. C'était moi et on était en train de dîner. C'est vrai. Les Jeux Olympiques, vous avez suivi un petit peu? Vous avez regardé? Pour la première fois de ma vie, j'ai regardé les JO. Moi. Oui, parce que toi, je me souviens. Quoi tu faisais encore? Partie. Quoi mais encore? Non! Je faisais partie de ta des team. Des mauvaises langues! Un petit peu, on va chier dans la scène et on va faire des choses comme ça. Oui, et au final, t'as ouais, kiffé. Mais chier dans la scène, c'était pour faire une blague sur Macron. Oui, non, mais bien sûr. Mais c'est toi qui avais lancé le move. Oui, non, c'était. Non. Tout, c'est. Et il a tué lui-même le beluga de ses mains, tu sais, dans la scène. C'est Adrien qui l'a buté. Non, moi j'étais. Mais après, qui mais aurait pu croire que ça allait bien se passer, quoi. Évidemment. Non, mais moi j'étais. C'était pas tant les épreuves, mais plus je me disais, ça va être un enfer dans Paris. Or tout s'est extrêmement bien tout passé, très bien géré. Et en fait, mais aussi je pense que le fait que bah il y ait pas de décalage horaire horrible fait que tu regardes les épreuves plus facilement, quoi. Ouais, c'est ça. Et vraiment pour la première fois, j'ai maté, c'était chouette, c'était bien. Ouais, c'est même. Quoi? Alors toi le fan bon, de basket. Bon, pour moi ils ont insulté ma religion avec la cérémonie d'ouverture, donc évidemment ouais, j'ai été choqué comme tout le ouais, monde. J'ai vu tes tweets. J'ai vu tes tweets, Adrien. Oh, c'est Catherine là, tout nu. C'est Jésus à poil. Calme-toi. Non, bien sûr. Dionysos. C'était Jésus, on a bien compris. Jésus bleu. Non mais et donc elle était. Oui, non, j'allais dire. Toi, le féru de basket, t'as dû vibrer parce moi, que et chez les garçons et chez les filles, il y a eu de très beaux. Putain, la finale ouais, terrible. Était vraiment incroyable. La fin, le scénario. C'était fou. Atroce pour elle, mais ouais. Vraiment. Moi, j'y connaissais rien en basket, donc j'ai un peu suivi, mais on m'a dit que l'arbitrage était compliqué aussi. Il y a eu des trucs bizarres en arbitrage. Ouais, c'est ça. Je me suis déjà mis Disney ado. Voilà. Je vais pas me mettre la FIBA. Eh, il aime pas les ricains celui-là. Attention. Non. Mais oui, donc le basket était à fond. Et c'était ouais, et puis. T'as regardé un peu tout ou t'es resté sur tes sports? Il y avait aussi le basket 3-3 en plus. Ah oui, ouais. J'avais jamais vu moi, et c'est fou. Là, pareil, on a. D'ailleurs, fait je crois qu'il y en a d'ailleurs qui écoutent le Floodcast parmi. Ah bah, on les salue. Attention, tous les sportifs qui nous écoutent, on les salue. Mais je crois qu'il y en a. Médaille d'argent là aussi. Médaille d'argent avec, ouais, pareil, un coup du sort terrible. Voilà. C'est ça s'est joué à peu de choses. Bon, un néerlandais qui met le 3 points. Mais c'est nous qui l'avions fait au match précédent, non? Il n'y avait pas un truc où à un moment il y a eu un. Peut-être, mais c'est Enfin, tu vois, ils ont mis aussi le panier au dernier moment, les Français, je crois, sur un tour précédent ou quoi. Ouais, il y avait y un y truc moyen, incroyable moyen, comme ouais. ça. Et vous avez vu Snoop Dogg là? Bah alors. Le doggy. J'ai essayé un petit peu. Donc toi, t'as regardé rien. Ah ouais, non, si. Alors, j'ai regardé la cérémonie d'ouverture. Toi, t'étais à fond sur la natation, Jérôme. J'ai vu tes stories. Moi, j'ai. Et t'étais à fond sur tout, non? J'étais à fond sur tout. Ouais. Nous, t'as regardé tout, toi. J'ai fait une première semaine insensée où on était en vacances avec des potes et à Cadaqués en Espagne. Ah alors. Voilà, donc c'était sublime pour ceux qui connaissent. Et t'as nous dû avons te mettre passé... des Cadaqués, je pense. Ouais. Enfoiré de con. Bah ouais. Et on a passé une semaine dingue. Allez, on ouais, pas mal. Un peu éloigné quand même. Mais... ouais, les caisses, on est passé. On y va pas à pied, on prend la voiture. On prend la voiture. Ouais, ouais. Morgane Cadaqués. Mais... Tu prends la caisse, tu veux dire. Oh, oui. Cadaqués. Bah oui, c'est ça ma grande force, je crois. C'est qu'après un bide, je l'utilise comme marche-pied. Bien sûr. Pour monter encore plus. Donc, oui, t'as tout regardé. On a tout regardé, ouais, surtout la première semaine et demie, ouais, qui était dingue, et avec en point d'orgue, avec mercredi il a arrêté. Non mais parce que en fait ensuite il y a l'athlétisme qui a commencé et là c'était beaucoup plus triste en termes de français. Ouais. Ouais, oui d'accord. Moi, on a gagné qu'une médaille, mais la seule médaille là en 110 mètres haies. Médaille d'argent, je sais plus comment elle s'appelle la française qui a gagné, mais c'était incroyable. Donc ça c'était fou. Le judo, tu nous auras pas là-dessus, on pourra pas t'aider. Ah, non. Ouais. Le judo, ça c'était dingue. Le judo par équipe. Ah oui. Ça c'était vu un peu. C'était un des scénarios les plus fous. C'est-à-dire que c'était Japon, France qui s'affrontent et t'as 4 ou 5 combattants et ils se tapent chacun, tu vois. Et on est mené 3-1. Donc on se dit a priori contre les Japs c'est fini. Et là remontada. Donc ça c'était assez dingue. Et ouais. Après il y a eu l'espèce de, enfin polémique pour moi tout seul. où donc il y a trois partout au final, et donc il tire au sort le dernier combattant. Et c'était Eddie Rinner. Et ouais. C'était Eddie Rinner, oui, parce que c'est un tirage au sort, c'est un écran digital où ça fait tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout. Oh Bastien, alors le meilleur combattant de tous les temps. De tous les temps. Il y a beaucoup de gens qu'on dit comme par hasard. Bah, sur 4 ou 5 chances, c'était quand même. Et surtout que en face, c'est un gars qui. Non, c'est peut-être pas celui-là. Non, parce qu'il a fait un combat contre un mec qui avait l'air de faire 60 kilos. Ouais. Non, mais c'était le premier combat. Ouais. Mais le deuxième combat là qu'il a fait, c'était contre un. Comme une serviette de tatouage. Non, mais ce combat-là, c'était contre un énorme japonais tout jeune et tout. Et Miskin, ça m'a trop fait de peine. Il voulait pas rentrer au Japon et tout. C'était lui. Ah ouais, c'était lui. Ah oui, trop horrible, beau. Ça. Il y avait des échanges très classe sur Instagram. Et ouais, tout. Ça, j'ai vu un peu de loin. Donc ça, c'était vraiment magnifique et sublime. Et ouais. Comme quoi. Et le skateboard aussi. Moi, j'ai été. En fait, j'ai découvert. Mais regardez alors. J'ai regardé les mini trucs un peu de loin, un peu de loin, pendant les siestes de ma fille. Je te le cache pas. Ben voilà. Donc, mais il le skateboard. Il dit qu'il a rien fait cet été. Il dit qu'il a pas regardé les JO. Puis en fait, c'est l'inverse. Il s'est éclaté. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Ça, c'est le visage d'un gars qui s'est éclaté. Je rayonne. Regarde-moi, je rayonne. Je suis un soleil dans les Teletubbies là. C'est moi. Tes cheveux, c'est des rayons de soleil en fait. Et donc skateboard, j'étais choqué de l'âge. En fait, y en a pas une qui a 14 ans. Si, si, c'est ça, bah la championne. Ouais, ouais, c'est ça. Je pensais qu'il y avait des limites, des trucs, et en fait, pas du tout. C'est fou. J'étais assez. J'étais choc bar, hein, de baiser. Hein, je veux dire. Ouais, bien sûr. Morgane, toi, t'as suivi un petit peu les JO. Oui. Vous le voyez pas en plus, mais elle a le petit pied sur la chaise, le genou sur les poings. La prof cool. Un peu cool. On va faire cours dehors. On va faire cours dehors. Salut. On regarde un film. Donc, Platon, c'est un blaireau. Non, je déconne. C'est le genre de blaireau. C'est un peu un fuckboy. Non, il est pas au port que j'ai dit ça. Non, donc le mythe de la caverne. Je suis Cameron Diaz en bad teacher, quoi. Voilà, tout. J'ai regardé la natation et j'ai regardé le surf. Oh, ah bah, oui, le surf, sûr, parce le que surf. Je suis une dorade. La photo là. Ouais, la photo là, la baleine là. Je suis vraiment votre grand-mère qui a regardé les JO sur ces JO. J'ai vraiment les petits highlights et tout. Non, la natation, le surf et tout. Et moi, j'ai peu regardé, mais ça me motivait à aller faire du sport. C'est dingue. Ah, j'essaie de me mettre dans une mentalité d'athlète. Incroyable. Dans le sens où j'ai bu énormément de jus. Tous les pas foutu. Tous les matins, un jus au gingembre. 3 litres. Du joker, du jafaden. Mais je suis jamais, tu vois, je pense que c'est un lien, mais je suis jamais autant allée à la piscine. Là, la semaine dernière, il y a deux semaines, je me suis chauffée, j'allais faire ma petite borne de nage au réveil. Ah, trop bien. Tous les matins, et je sais que ça a un côté JO, parce que là, c'est retombé. Moi, je l'ai eu aussi, mais parce que j'étais pas à Paris aussi. Parce qu'à Paris, c'est trop dur, je trouve, de trouver des piscines cool. Oh non. Ah ouais? Tu m'enverras tes. Mais elles sont pas blindées? Bah, ça dépend non, les heures. Il faut y aller hors horaire du bureau. Quoi. Ouais. Ah oui, c'est ça. Bah, c'est mort pour moi. Et moi, par rapport au collège, j'y vais quand mes troisièmes sont. Ouais, voilà, je les laisse quand ils sont en études. Et... Bien sûr, évidemment. Je vais plongeoter. Quoi. Donc, on parle des JO. Il faut savoir qu'en plus de la médaille d'or, celles et ceux en haut du podium pouvaient également repartir avec des sortes de primes. Ça, je sais pas si vous le saviez. Ouais. Selon leur délégation. Ah. C'est le pays du sportif qui décide, en fait. En plus du podium. Et il y a des écarts de fou, je crois. C'est ça. Par exemple, si t'es français, t'as un chéquose de 80 000 euros si t'as l'or, 40 000 euros si t'as l'argent, et 20 000 euros si t'as le bronze. Ouais, bah ouais. Mais alors, du coup, je vais vous demander des pays. À vous de me dire ce qui est offert, en espérant pour le buzz de l'émission que vous ayez des débordements racistes. À Hong Kong. C'est quoi, il y a un objet? Voilà, vous pouvez me poser des questions. Une voiture. Hein, pas de voiture, mais on est sur un moyen de transport. C'est lié. Un vélo. C'est lié à un moyen de transport. Un petit vélo électrique. Ah non. Non, c'est pas. Un an, une vie de bus, de. Putain, de billets d'avion. Pas loin, pas loin. De billets d'avion. Non. Train. Non, pas d'essence. Presque train. Trotte électrique. Train. Ouais. Métro. Un an, à vie. Ouais, non, à vie, pardon. Maintenant, tu dirais, puis je prends le métro. Ouais, après, reçu une fois que t'es connu, ils t'offrent le métro. Tu fais, ouais, bah non, peut-être Uber, peut-être plutôt. Les médailles d'or ont reçu des tickets de métro à vie de la part du gouvernement local. Ouais, ça manque de. Attends, mais Hong Kong, il y a de l'oseille normalement, non bah, oui, mais ça non. Manque de premium, premium lifestyle. Ouais, ouais, non, mais après, il y a peut-être d'autres trucs, mais moi, je vous montre les trucs un peu insolites que j'ai trouvés sur internet. En Corée du Sud. Alors là, c'est pas un truc qu'on t'offre, c'est un truc dont on. Qu'on prend. C'est malheureusement. T'as pas besoin de faire un service militaire. Très bonne réponse de Jérôme Niel. Wow, eh ouais, wow, tu savais, dispensé. Bah non, mais je sais qu'en Corée, tu sais, en Corée, t'as pas le choix. Il est tellement cher. Mais oui, parce que même. Ah, putain, mais ça, c'est génial par contre. Voilà. Ça donne envie de. Oui, parce que même les stars de la K-pop, moi je me souviens d'un gars de BTS. Ouais, c'est pour ça, oui. C'est pour ça que je connais le. Qui avait fait le service militaire. Et donc, oui, normalement, il est obligatoire pour tous les hommes valides appelés au moins 18 mois sous les drapeaux. Et quand tu as gagné un titre olympique, c'est bon, tu es dispensé. Ah, mais là, c'est un vrai beau cadeau. Ouais, ça, c'est pas mal. Ça, c'est un vrai beau cadeau. Surtout que, bah, en plus, les athlètes, c'est plutôt ceux que t'as envie d'avoir. Ouais. Mais ouais. Ça dépend quoi. Ouais. Bon, quand même. En guerre. Hein? En guerre. Ouais. Genre cricket. Bah sauf si c'est breakdance, tu vois, c'est pas. Mais pour éviter les balles, la coupole. En diversion. Bon vas-y, faire diversion. Il a tapé sur sa tête, il s'est assommé tout seul. Ah non, il remonte. Je comprends rien ce qui se passe. Attends, il descend. Ah non, il joue l'ascenseur. Ils ont envoyé un robot, ils ont envoyé un robot. Il y a un serpent. Il y a un serpent qui nous fonce dessus. Ah non, il fait la vague. Attendez, une feuille morte en plein été. Ah non, c'est lui-même, c'est lui-même. Oh, l'ennemi est complètement perdu. Oh, on a bien fait de l'avoir avec nous. À votre avis, en Pologne. En Pologne, alors, on t'offre un objet. Alors, il y a aussi de la thune hein, en Pologne, 58 000 euros. Pour l'or oui, sûrement. C'est si précis. Ouais. En Pologne, t'as un appart. Un deux pièces, effectivement. Ah putain, mais c'est mec. Là, je suis sûr. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça. Ah. Il n'y a pas que ça. Mais il y a. Une bagnole. Il y a une femme de ménage. Pardon ? Une femme de ménage ? Pas une femme de ménage. C'est un objet, un truc physique ? C'est pas vraiment un objet. Enfin, si, un objet parce que c'est un truc physique, mais tu peux rien en faire, quoi. Mais ça a de la valeur. Un trophée ? On s'approche. Une statue ? Mieux, enfin, selon moi. Une médaille. Bah non. Non. Une médaille. Elle a pas compris, la fille. Attends, un bâtiment. Enfin, non, tu peux rien en faire. Une médaille, je sais pas, d'un certain. Une certaine matière, peut-être ? Un bijou ? Un monument ? Une couronne ? Un tiare ? Un diamant. Un diamant. Ah, simplement un diamant. Tu peux, pas mal. Tu peux rien en faire. Eh oui, un diamant, pas un mal. Diamant. Enfin, tu peux rien en faire, tu peux le revendre. Oui, non, mais quand je disais rien en faire. Un maximum de plus. Exactement. Exactement ce que je ferais. Et également un tableau et un bon pour des vacances. Voilà, ah, c'est hyper large. Ouais, c'est un bon pour des vacances. Tu vas aller dormir en yourte dans l'Eure-et-Loir. Sur la route des vins, logé chez l'habitant. Bon, c'est de la merde. D'ailleurs, Smartbox, on rappelle, gros raciste, donc faut pas acheter des Smartbox. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, j'ai vu passer ça. C'est fou. L'extrême droite. Ouais. Tout simplement. Ah. Voilà. Ah, oui, oui. Comme tous les gens maintenant, on sait où. Tous les gens connus. Donc, malheureusement. Mais cela dit, Smartbox, je serais incapable de te dire un concurrent de Smartbox. Wonderbox. Ah oui, je pensais que c'était la même boîte, moi. Se faire chier dans les mains par un clodo. C'est la concurrence. D'ailleurs, c'est une activité proposée. Smartbox anniversaire. C'est ça ou un circuit à Manicourt. Donc, on parlait des JO. Toi, Jérôme, pardon, je sais que tu es fan du PSG, par exemple. Bien sûr. Comment tu expliques... le fait d'être supporter à un gars comme moi qui n'est pas intéressé par le sport. Comment, par exemple, avec le PSG, comment s'est créé cet amour avec le club? Bah alors moi, ça a commencé à la télé et tout, mais pour quelqu'un qui n'aime pas un aficionado, je conseille d'aller au Parc des Princes, de regarder un match déjà. Par rapport à l'ambiance? Ouais. Ouais. Parce que c'est vraiment une très très belle enceinte. C'est ça. Et ça, je pense que ça commence par là, pour en tout cas, hop, pour découvrir. Deuxième sortie après Disney, hop là. Voilà. Ouais, c'est ça. Pour découvrir, faut aller au parc. C'est magique. Toi, quel âge ton première fois que t'es... C'était la semaine dernière, donc là c'est très récent. Oui. Non, ça devait être, je sais pas, je devais avoir assez tard quand même, je devais avoir 15 ans. Truc d'accord, comme ça, 15, okay. 16 ans. Oui, donc c'est une histoire d'amour avec le PSG depuis. Depuis les années un peu nulles. Ouais. Et maintenant qui sont un peu meilleures. Et en même temps nulles. Donc ça va, on garde quand même cette saveur. Cette saveur des débuts. On garde cette saveur des débuts, quoi bien qu'il sûr. Arrive, de la déception. très souvent. Mais oui, il faut aller. En fait, il faut le voir. Je pense qu'il faut voir en vrai. Ouais. Et voilà. Adrien, toi, ça avec le basket, il y a des sportifs comme ça qui te font vibrer. Par exemple, la finale avec la NBA, est-ce que t'as eu quand même un truc de... Parce que la NBA, faut le dire pour les gens qui savent pas, l'équipe américaine, c'était genre que des stars du basket. Pour expliquer un peu aux gens, c'est quoi, c'est ça. C'est... Oui, oui. Est-ce que ça a eu une saveur particulière? Ce qu'ils faisaient pas à une époque, ils envoyaient pas les plus grosses stars. La finale des JO, tu veux dire. C'est la finale des JO. Oui, je parlais même de l'équipe américaine des JO en général. Est-ce que toi, par exemple, ça a une ferveur particulière, ces gens-là? Est-ce que comment dire? T'es fan de ces gens? Non. Non, enfin, je sais que le mot fan, t'aimes pas ça. Non, mais... Non, mais en plus, là, c'est un peu. Moi, le basket, je regardais beaucoup quand j'étais petit, quand j'avais 12 ans et tout. Je connaissais tous les joueurs, je regardais les matchs et tout. Maintenant, je regarde plus trop. Donc, toute cette génération de joueurs, je les ai pas trop regardés. Donc, c'est pas. Enfin, même LeBron James et tout, ou Steph Curry. T'es passé un peu à côté. Ouais. Oui et non, mais j'ai jamais regardé les playoffs. J'ai jamais vibré devant des matchs où ils jouaient. Donc, j'ai pas d'attache émotionnelle particulière à ces joueurs-là. Quoi. D'accord. Mais le fait de voir des Français leur tenir la dragée, quand même, est-ce que ça haute. Oui, elle était haute. Elle était très haute. Ouais. Oui, oui. Bah... il a fait tomber LeBron James. J'ai, encore une fois, j'ai quelques infos partiellement. Gershon Yabusele, qui du coup est maintenant, il a été drafté par les Sixers. Comme par là. Il me follow. Bon. Allez, Adrien Bezer. Non, pardon, faut basket. Le basketteur. Je m'y perds. Je sais que c'est commencé par B. Peut-être qu'il écoute. Ah, attends. Je pense pas. Mais non, mais bah oui, là c'est incroyable. Bah ouais. Mais parce que il y a quel que soit le sport, quelles que soient les équipes, il y a des gens qui détestent ça. J'ai des amis qui trouvent que cet état d'esprit est complètement con. Mais il y a toujours le côté ah, le challenger qui va essayer de défier le plus grand. Ça, c'est l'esprit toujours shonen. C'est l'esprit shonen. C'est l'esprit shonen. Bien sûr, j'ai l'impression. Et du coup là, c'est complètement ça parce qu'évidemment, tu te dis personne va faire tomber les Américains. Et on y a cru un peu, donc tu vibres quoi qu'il arrive, même si t'es même si tu suis pas le basket, je pense que tu vis. Et la peu, finale femme, on y a vraiment cru. Putain, c'était fou. Oh là là, quelle déception. C'était fou. Elles étaient incroyables. Toi, Morgane, tu disais que tu es fan de surf, je crois. Est-ce que tu avais. Est-ce que tu as eu des sportifs que tu as aimés dans cette discipline? Bah, tous, parce que le. Moi, à partir du moment où. Tu sais, quand t'essayes de pratiquer un sport et que tu vois à quel point c'est dur, je trouve ça ouf, les vagues. Enfin. Toutes les vagues qu'ils arrivent à prendre et tout, il y a pas Colly, il était fou. C'est horrible. Il était fou. Le surf. Ouais, c'est horrible. Non mais c'était. Ouais. Ça a l'air dur. C'est hyper dur et j'en faisais pendant cet été au Portugal pendant que je regardais les épreuves et tout. Et en fait, je suis un peu fascinée par. Ça fait vraiment partie des trucs où quand tu vois les gens faire. Quand t'es hors de l'eau, tu te dis c'est facile, ça glisse, tu vois à peu près et tout. Et c'est pas. T'arrives un peu. T'arrives pas du tout. Ingrat, et moi ça fait 6 ans et c'est rarement bien. Mais c'est ça que j'aimerais bien faire. Moi je trouvais que ce serait une émission marrante autour du sport où par exemple tu fous 4 mecs ou meufs dans une piscine et Léon Marchand. Et tu vois quoi. Là ce serait un parce que je trouve que le truc des JO c'est que des fois tu te rends même pas compte. Et en fait comme ils sont tous hyper forts, tu vois pas à quel point ça marque une différence par rapport à un humain normal. Ouais. Et le surf, il suffit d'aller se baigner une fois dans les Landes de voir ce que c'est. Mais non, mais parce que tu vois quand moi voir Brice Denis. Non mais moi avant quand on me disait une vague d'un mètre, bon un mètre ça va, tu vois, c'est même pas la taille d'un. Tu peux faire Space Mountain à un mètre, c'est pour dire. Et en fait tu vois c'est bon un mètre je l'ai surfé et tout et je pars avec un prof. Tu vois, qui me dit, bah vas-y, viens, on va aller au line-up, je vais te faire un mètre. C'est un immeuble devant Watt. Non, mais un mètre d'eau, alors qu'un humain. Et du coup, quand on te dit qu'à Tahiti, ils font 4, 5, enfin, c'est un truc de ouf. Incroyable. Mais c'est marrant ce que tu dis, parce qu'il y a justement un joueur de basket de NBA, qui joue plus maintenant, mais qui s'appelle Brian Scalabrine. Enfin, Scalabrini. Ouais. Et en gros, tout le monde se foutait de sa gueule en disant, ah, c'est le pire joueur. Enfin, tu sais, c'est un mec qui avait genre entre 1 et 2 points de moyenne par match, donc c'est. Mais voilà, qui était joueur NBA, qui était voilà, et en gros c'était un peu le bouc émissaire du public, tout le monde se foutait de sa gueule et tout, et tout le monde sur Twitter les mecs ils disaient putain mais t'es tellement nul, je pourrais t'exploser et tout, et un jour le mec il a dit bon bah écoutez venez, on fait des 1 contre 1, venez. Putain. Et les mecs sont venus, il a éclaté tout le monde. Ah, oui. Et après il a eu cette phrase, il a dit je suis plus proche de LeBron que vous êtes de moi. Ah joli. Et il a un peu remis les. Bon après je sais pas qui s'est pointé. J'imagine des mecs sur les playgrounds pourraient l'exploser potentiellement. Bah, des mecs qui l'ont insulté sur internet, donc sûrement des mecs super. Et... Mais en tout cas ouais, il a dit aux gars bah écoutez venez. Il a enchaîné les 1 contre 1, il les a explosés. Et pour dire qu'on se rend pas compte. Parce qu'en fait, c'est pas que du physique, c'est pas que du jeu, c'est du mental. Mais comme l'Australienne qui est devenue la risée d'Internet après sa Presta en breakdance, là. Bon. Non, mais la blague. Qui était catastrophique. La Presta était catastrophique, mais ouais, vas-y, on va vraiment pas faire un meme qui dure 3 ans. C'était lourd, quoi. Le truc, c'est que. Non. Moi, j'avais fait une story pour dire bon, c'est bon, on a compris qu'elle était nulle, on est peut-être pas obligé de. Okay. Bah, en fait, je l'ai supprimé au bout d'un moment parce que les gens me cassaient les couilles. C'est-à-dire qu'il y a eu Il y a eu des. Je vais dire rumeurs parce qu'en fait, j'ai jamais trouvé vraiment de. Et encore une fois, hein, j'en ai rien à foutre, m'envoyez pas de message. Mais, encore une fois, Morgan. Non, mais en gros, il y a eu des rumeurs comme quoi elle était. Elle avait été pistonnée pour arriver ou alors elle avait pris machin et tout. Moi j'ai pas vu de parce que ça partait d'un TikTok. D'accord. Donc une TikTok source sûre. Ouais. Voilà, et donc évidemment quand j'ai fait cette mais en plus ce qui était ça n'avait aucun import, tu vois, je veux dire c'est à dire que j'ai on dit attends pardon, on dirait un fou mec. Oui, on dit on dirait hein. on dirait que je viens de te choper dans le lit avec attends, une meuf et que je t'ai dit c'est qui. Ne fais pas de montage Flo parce que là il a fini aucune de ses phrases pendant 2 minutes, il repartait sur une autre. C'est trop fou, c'est trop stylé. C'est ma maladie mentale. C'est trop totalement. C'est trop stylé. C'est totalement. J'aime trop. Ma pensée en arborescence. Vas-y. Est verbalisée en temps réel. J'adore. Mais bah j'adore. Tout ça pour dire que j'avais fait une story pour dire c'est bon, on est peut-être. Enfin, c'était nul à chier sa danse, mais on n'est peut-être pas obligé de s'acharner sur elle, etc. Ouais. Mais vous acharnez pas sur les gens de manière générale. Hein. Oui, voilà. S'il vous plaît. Et en gros, il y avait plein de gens qui me demandaient oui, mais elle a genre, elle a été pistonnée, machin et tout. Et genre, déjà, j'ai pas vraiment vu de preuve de ça. Et même si c'est vrai. Faites pas genre, c'est pour ça que vous vous acharnez sur elle. Ouais, c'est juste que ça vous fait marrer de vous acharner sur une meuf. Parce que c'est comme ça sur internet, dès qu'il y a un truc. Tu vois, genre, vraiment, minute une, les créateurs de contenu faisaient des contenus pour se foutre de sa gueule. Et en plus, petite couche supplémentaire, faisaient tous la même vanne. Donc, au moins, si vous êtes des connards, soyez au moins créatifs dans vos vannes, mais même pas. Donc ça m'avait énervé et en fait comme les gens étaient de mauvaise foi me dire oui mais aussi elle a dit bon allez vous me faites chier c'était grand-père Simpson du coup il a bien il a fait elle est pistonnée au final j'ai fait un résumé de toutes mes que j'aurais pu juste moi j'ai c'est vrai que j'ai encore pas fini mes phrases j'ai travaillé moi sur les JO voilà un peu secrètement mais genre, il était dans le costume de la frise non il était dedans dans le costume non le cheval là sur la scène qui est encore en train de faire des tours d'ailleurs j'ai adoré ce cheval personnellement moi j'ai adoré le c'était cheval. Un peu long moi j'ai juste trouvé c'était bien moi c'était moi ah bah tiens on parle d'acharnement moi c'était sur Daphné Burki je crois que tout le monde la vannait et moi j'étais genre bah en même temps c'est cool elle donne des insights est-ce qu'il y aurait un point commun si je peux me permettre je sais pas de quoi tu parles non mais oui, bien sûr bon moi she's a woman mais ouais. Bah, c'était ça que mais... je voulais dire, parce que je suis j'aborde le patriarcat que en anglais maintenant non mais ça m'aide mais ça te va bien ça va. Thanks babe. Et donc oui non moi j'ai bossé mais je j'ai signé un truc donc je peux pas dire quoi. Alors j'ai demandé c'est Joachim Roncin que je salue qui est directeur du design chez Paris 2022. C'est vrai c'est son nom c'est Jojo Roncelard. C'est comme ça qu'il a signé les JO. Voilà. Qui était directeur design sur Paris 2024, il a bossé sur plein de choses et il m'avait demandé de travailler sur quelque chose. Mais alors lui il me dit que je peux en parler, mais j'ai signé littéralement un truc qui m'interdit d'en parler. Donc je sais pas ce que c'est. Mais un truc qui est déjà passé. Ah ouais c'est passé. C'est et passé. T'as bossé dessus pendant 5 ans aussi ou non. Allez, non, vas-y. T'es quoi si viennent, bah, dis-le, s'ils viennent te chercher, on sera là. Non. Il a dessiné les parties génitales de la frige. Mais ça n'a pas été revenu comme vous avez vu. T'imagines bien que si ça ressemble à un clito, c'est pas mon idée. Je sais absolument pas à quoi ça ressemble. Mais non, j'ai bossé sur un truc, mais voilà. Je me dis peut-être les auditeurs pourront imaginez ce que j'ai fait sur les JO de Paris 2024. Oui, bah attends, tu mens aussi. Non, mais pas. Non. Aussi. On se dirait vraiment. Tu sais, toi, Adrien, tu sais. L'écriture d'un film qui a gagné un Oscar, je ne peux pas dire. Sais, non, attends, ce que je tu pourrais. Dire, ce que dire, et le couper au montage, mais je peux vous le dire. Ce que tu pourrais faire, c'est. Si tu veux, demander si tu peux le dire ou pas, vraiment vérifier. Et comme ça, t'en fais un jeu au prochain Floodcast. Eh bah, vas-y. Eh bah, je ferai ça. Mais de toute façon, Adrien, il le sait normalement, je crois. Les invités devront trouver. C'est une bonne idée, genre. Réponse tout de suite parce que c'est pas si fou comme jeu. D'accord. Savez-vous qui est l'américain Michael Phillips? Et on est parti du monde du sport, hein, je vous le dis tout de suite. Ah, ok. Hein. Ah, non, je vous le dis. C'est un mec de la tech. Pas un mec de la tech. qu'est-ce qu'il y a? C'est un pasteur, un super prêtre. Pas un super prêtre, pas un pasteur. Les mégachurches. Oui, dans les mégachurches. Est-ce que c'est un homme très riche? Pas du tout très riche. Très pauvre? Pas non plus très pauvre. En fait, je vous dis ça, je le connais class, pas. Très middle. Moi, je dis middle class. C'est vrai que tu parles en anglais, comme quoi elle parle de patriarcat. C'est pas est-ce vrai, que c'est un rapport avec les élections américaines à venir? Pas du tout. Il lui est arrivé une drôle d'histoire. En tout cas, c'est lié au Guinness Book des records. Ah, donc il a un record, tout simplement. Il voudrait avoir un record. Du plus gros mangeur. Pas du plus gros mangeur. Du plus gros. Petit mangeur. Je pense que vous pouvez partir du monde des mangeurs. Ok. Des buveurs. Si je veux. Est-ce que le plus c'est bon le mangeur, le mangeur le plus classe. Est-ce que c'est une performance liée à l'adresse? Un jeu d'adresse? Non. Est-ce que c'est un truc de faire quelque chose le plus longtemps? Non. Ne pas faire quelque chose le plus longtemps? Non plus. C'est manger le plus longtemps. Est-ce qu'il a une anomalie physique? Oh oui. Grand la taille? Plutôt l'inverse. Le petit homme du monde. Pas le plus petit homme du monde. Pas le plus petit. Le plus moyen. Non, le plus moyen. Le plus moelleux dans la moyenne. La taille moyenne. 1m76. Morgane, tu as dit quoi? Les cheveux le plus long. Pas les cheveux le plus long. Ah, attends. Mais attends. Parce que on a dit plus grand, t'as dit l'inverse. Oui. Et on a dit plus petit, t'as dit non. J'ai dit non. Non, il a, elle a dit l'homme le plus petit. J'ai dit c'est pas ça. Mais ouais. On cherche quelque chose de plus petit. Oui. Ah. Le petit pénis. Très bonne réponse de Morgane qui a dit il a fait un oh. C'est mon ex ou quoi? Elle va parler anglais dans deux minutes. Il a 36 ans et il veut entrer dans le Guinness Book cette année, nous raconte la dépêche. Ouais, je comprends en même temps. Pénis fait moins de 2,5 cm. En repos? Ouais. Ou peut-être pas d'ailleurs, je dis ça, je le connais pas perso. Je cite Michael Phillips. Je cherchais à voir s'il existait un record du monde Guinness pour le plus petit pénis et voir si je pouvais y participer. J'essaie de transformer un négatif en positif. Plus égale plus, c'est la situation pour moi. Donc j'essaie de faire en sorte que tout soit positif. Donc si je peux en tirer un autre, un titre, pardon, ce serait super. A-t-il expliqué? Ce serait super. Je te crois que vous auriez toujours une méga petite bite. Oui, j'ai bien compris. J'aurais au moins ça. Non mais il faut savoir que c'est une vraie anomalie physique puisqu'il est c'est très difficile pour lui de ouais, a priori de 2,5 ouais. C'est très difficile et ça doit être 2,5 par température modérée quoi. Oui, ambiante. En Australie, le ministère de la Santé vient de lancer une campagne publicitaire à la télé et sur des affiches pour inviter les gens qui bossent à faire quelque chose qu'ils ne font visiblement pas assez. Se torcher le cul. Non. Travailler. Et alors ces JO là. Eh, t'es Michel Barnier ou quoi? Faire du sport, se reposer. Pas faire du sport, prendre pas se reposer, pas prendre les escaliers. Ça doit être un truc un peu marrant. C'est un peu marrant. Se laver. C'est un petit peu marrant, Adrien. Faire l'amour. Pas se laver. T'es Ruquier là. Bah je suis Ruquier. C'est un truc qu'ils font pas du tout, qu'ils ne font pas assez. Se reproduire. Certains ne le font au travail. Ah non, c'est pas le travail. Non plus, tu n'avais pas compris. Oui. Des pauses, pour inviter les gens. Non. Mettre la main dans la bouche. Ça n'a pas de rapport avec le caca. Ça a un rapport avec le caca. Amener des couteaux. C'est un rapport avec les toilettes. C'est un rapport avec les toilettes. Aller aux toilettes parce que les gens n'arrivent pas à faire caca sur leur lieu de travail, c'est terrible. Ah, Morgane Cadignan, c'est tout bon. C'est un fléau. C'est. Pas loin dès le début en fait. On fait un petit applaudissement. Bien sûr. J'ai dit torcher le cul, j'étais vraiment. J'aurais pu te dire pas mal. Oui, mais t'as bien fait, t'as très bien géré. J'ai fait ce que j'ai pu, écoute. Il y a ce slogan. C'est normal de faire caca au travail. C'est bien le slogan qu'a lancé l'Australie. Les problèmes de santé en Australie se multiplient à cause de gens qui se retiennent trop de chier au boulot et lancent la campagne. C'est écrit comme ça, non? C'est comme ça, c'est le Figaro. Chier au boulot. la campagne s'appelle même faire caca au travail. Discutez-en. Ça va trop loin. Là. Mais oui, chacune. T'as pas besoin de discuter non plus. Faites-le juste. Ouais, publications est accompagnée parce qu'il y a des trucs sur Internet. Chacune des publications est accompagnée d'un message de santé publique incitant à se rendre aux toilettes pour éviter tout problème de santé. Ignorer systématiquement votre envie d'aller à la selle peut entraîner un blocage des selles dans votre côlon, des hémorroïdes et d'autres problèmes graves. Il est donc préférable de laisser sortir les selles plutôt que de les retenir. Bien sûr. On parle de parcoprésie, par exemple. Ça, c'est le fait d'être stressé quand il y a des gens. Un joueur de foot. Ouais. Il joue avec caca. Non, je plaisante. C'est une blague de foot. La saison 10, je me réinvente. Hein. Attention, sent que tu t'es intéressé au PSG. Là. On sentait que c'était vraiment une question pour toi. Parfois appelée paranoïa du caca, les personnes atteintes de cette maladie ont une peur écrasante d'être jugées par les autres à cause caca-noia. Des sons ou des odeurs associées au fait de faire caca. Ouais. Caca-noia sera le titre de l'épisode, Morgane. Et je t'en remercie pour ça. Si cette maladie peut prêter à sourire, le département de la santé de cet état de l'Est australien rappelle que cela peut provoquer une accélération du rythme cardiaque, des sueurs ou des nausées. C'est de quoi, se retenir de chier? Exactement. J'y suis là. Moi. Ouais. Moi, je peux te dire. Mais vas-y, mon pote. Non, ça peut attendre. Je ferai chez Jérôme. Et donc voilà, ils font plein de choses sur il faut vous déstresser pour aller faire caca. N'oubliez pas que tout le monde fait caca. Visualisez quelqu'un de célèbre aux toilettes, c'est la première recommandation. Genre Taylor Swift fait caca. Non mais voilà, parce qu'ils font des trucs un peu gags. Petit bambou de merde. Il conseille d'apporter un petit spray parfumé dans les toilettes. Voilà, tu peux tu peux te préparer un petit peu. Voilà, c'est vrai. Manger un morceau. Manger en même temps un hot dog de chez Disneyland, puis c'est déjà de la merde. Mettre une couche, enfin voilà, des petits conseils comme ça. Imaginez une personne célèbre. Qui vous imagineriez qui vous? Adèle. En train de chier. Adèle. Ouais, on sent que. La musique est si belle. C'est génial. Bah ouais, mais justement, faut démystifier. T'as bien raison. Moi, Freddie Mercury, pareil. Someone like Pooh. Je vais partir. Non, t'es bien. T'es à la table, t'es à la bonne table. Ah ouais, là, t'es en train de te dire, c'est pas parfois, France Inter que tu peux les faire. J'imagine Jérôme. Ah oui. Évidemment. Parce qu'il chie devant moi. Évidemment, je comprends. Littéralement dans la rue. En gros, c'est pour désacraliser le truc, faut imaginer une célébrité. Mais ça, c'était comme ce truc d'imaginer quelqu'un à poil. Ouais, ça, j'ai jamais compris. Adèle. Ça, ouais. Pardon, j'ai un king. Je verrais bien Jay-Z, moi. Jay-Z qui fait caca. Ouais. Et c'est marrant, tu vois. Avec Beyoncé. Mon gars, j'allais dire She-boy. She-boy. She-boy. Très bien. Mais ouais, moi c'est quand on parle d'un chanteur qui ou une chanteuse qui chie, je l'imagine chanter quand elle chie. Je sais pas pourquoi. Donc Freddie Mercury. Freddie Mercury, moi j'ai Freddie Mercury qui chie. Freddie Mercury. Radio Caca du coup. Radio Caca. Ready. Ah, mais oui mon Adri. Oh là là. Ah, ça fait du bien. Et toi, ce serait qui la célébrité qui chie? Je me demande, je sais pas. Pour me dire, ah bah en gros l'idée c'est de dire, ah si même il ou elle chie, c'est ça, bah, c'est des gens très. Donc faut l'amour. Imaginer chier à ton taf en plus. Ouais, ouais. Margot, là, là. Margot Robbie. Margot Robbie qui fait caca, c'est vrai que ça va. Margot Rochi. Ah, allez. Camille Crottin. Allez, c'est parti. Quelle reprise. Allez, quelle rentrée. Ça va être que des jeux de mots là. Ah ouais. Ça peut me régaler. Ça peut faire 10 minutes. Hein. Johnny Pet. Allez, oh, allez, stop. J'ai même pas, j'ai même Depp, pas Depp, Depp, Depp. Johnny Depp. Caracas, des cacaraïs. Ah oui, Morgane, oui. Morgane est lancée. Et elle ose dire qu'elle aime pas la rentrée alors qu'elle est en forme comme jamais. C'est incroyable quand même. Mais vous êtes comment vous là-dessus? Vous retenez de faire caca en dehors de chez vous? Non, mais oui, Morgane, je veux que tu le dises. Je chie sur tous les murs de Radio France. Mais... tu rigoles ou quoi? Nagui a lancé une pétition. Kagi, non. Ils ne vont plus s'arrêter. Morgane se transforme en mouette. Elle va rejoindre la Bretagne. Oh, je chiale. Bon, Morgane Cacadignan, on est obligé. Oui, oui, évidemment, Jérôme Yèche. Ils avaient tous rien, mais celle. Oh. Et Florent, c'est pas facile. Pas si facile. Ouais. On y reviendra, ouais. On y reviendra, Adrien, on y reviendra. Ouais. Retrouver avant la fin. Moi, j'ai, bah, moi je travaille de chez moi, donc oui, je chie au travail. Oui, c'est ça. Voilà. Bah, t'es chronique, mais... tu fais pas de chez toi. Ouais, bah tu chies pas entre deux chroniques. Ouais, ah, j'y vais une heure le lundi matin, je pense que je peux me retenir. Ah, des fois. Mais moi par exemple, je peux chier à peu près n'importe où, j'ai aucun problème avec ça. Ouais. Là, vous moi me aussi. Donnez 5 minutes, je peux chier là tout de suite. Moi aussi, je suis un peu comme toi. Ouais, j'ai ouais. Jamais eu ce stress de. Tu vois. Non, toi, ouais, tu ouais. Peux pas. Si, moi je l'ai eu, mais il y a un moment où je me suis dit, bon, allez, c'est trop de contraintes. De juste. En fait, je me suis dit, je préfère. L'amour en merde déjà. Déjà. Ouais. En merde. C'est juste une question de tempo pour moi. Tu l'as pas eu. Si si. Je préfère l'amour en merde. Bien sûr qu'il l'a eu. Évidemment. Bien sûr. Et non mais je, en fait je, dans la balance le se retenir de chier était plus contraignant que de passer un mauvais moment. Ouais. Parce que alors, moi par contre hors de question que je m'asseye. Ah oui non. Sur des ah, chiottes publiques. Moi, donc moi vais, je suis en squat. Ah ouais ouais, j'y vais. Moi je suis ah en squat ouais. En me tenant généralement à la poignée de porte. Moi, je suis comme Spider-Man, c'est-à-dire je suis debout sur la lunette. Et je fais le geste. Non, moi, ouais. Mais du coup je préfère ça à être. Je déteste avoir envie de chier. Moi il y a un truc où je suis mal à l'aise quand je chie, c'est et souvent c'est soit dans les aires d'autoroute ou bah à Disneyland. Il y a les toilettes qui sont collées qui sont et il y a un trou. Oui, enfin, y a de l'air. Tu vois, il y a de l'air en comme haut et en bas. Ouais. Exactement. Quoi, oui, ah, bah, normal. Bah, oui, en bas de la porte, ah, y a, oui, tu veux voir les pieds des gens qui chient. Ouais, par ouais, ça, je comprends pas. Bah, moi, ça... j'ai pris une photo de mon frère en train de chier à Disneyland. Ah, mais nous, il n'y a pas de problème chez les filles parce qu'on fait pipi assis aussi. Donc le fait d'être assis ne traduit pas que tu fais caca. Ah oui. Ne trahis pas, pardon. Non, mais tu vois. Ah ouais. Mais moi, je trouve que ça casse l'intimité. Ouais. Des gros croûtes là. Ouais, ça aussi. Ouais. Là, on non, est... on pisse comme ça aussi. Vous, connaissez rien aux femmes. Oh, I'm shocking. C'est comme ça qu'on pisse. On pisse toujours dans un long pet. C'est la grande librairie. C'est la grande librairie. Marguerite Duras. On pisse toujours dans un long pet. On dirait un roman de Catherine Troncol. L'hiver à Central Park. On pisse toujours dans un long pet. Émeric Lompé. Ah, je vais te mettre une patate. Ah, oh, quel bonheur. Émeric Lompé. Putain, quel enfer. Encore une fois, je vais dire cette phrase que j'ai dit si souvent. Je sais pas si c'est un excellent épisode ou un épisode horrible. Je sais pas. Généralement, c'est des bons épisodes. Ouais, on verra. On laissera les gens décider. Prends sa carinet. Prends sa terre, on va peut-être pas nous appeler tout de suite pour faire des chroniques, je pense. Pas maintenant. Pas tout de suite. Chers amis, ça fait déjà 1h30 qu'on parle. On va passer aux recommandations culturelles. Alors, vous le savez, les recommandations culturelles, c'est soit des. Ça peut être dans le domaine du cinéma, du théâtre, de la musique, des trucs sur le web, des trucs du théâtre vivant, peu m'importe. Et c'est pas obligatoirement un truc récent, mais c'est quelque chose que vous avez vu récemment. Adrien Méniel, j'ai envie de commencer par toi. Eh bah, écoute, j'arrive. Il y a une série que j'ai regardée. puisque c'est un peu dans la lignée de ce dont on a parlé, donc c'est marrant. Non, il y a une série. Alors, elle est sur Peacock, la plateforme de NBC, oui. Donc un peu galère. À... Ouais. Moi, évidemment, je suis abonné de façon totalement légale à Peacock, donc bien je suis comme ah ça. Oui. Mais bah, tu vis la moitié de l'année aux States, voilà, dire, bien donc, sûr. Voilà, qui a accès. Mais ça s'appelle Mr. Throwback. Mmh. Et en gros, c'est réalisé par David Wayne, que j'adore. Qui a fait Wet Hot American Summer, Role Model, qui a fait le truc sur le créateur de National Lampoon. Voilà, exactement. Stupid Gestural of Stupid and je sais plus quoi. Ouais. Bon, c'est sur Netflix. Avec c'est Will Forte, très bon film. C'est un excellent film. Et donc c'est lui qui réalise ça. Alors on sent moins sa patte parce qu'on sent que c'est peut-être un peu plus une commande. Ouais. Mais c'est en gros l'histoire évidemment fictive d'un mec qui était qui faisait du basket au lycée, mais aux États-Unis ça peut vite dès le lycée être avec beaucoup d'enjeux et tout. Avec Stephen Curry. Quoi, hein, qui joue qui... C'est fictif, hein, c'est fictionnel, mais en gros, l'histoire c'est qu'il était au lycée avec Stephen Curry, ils faisaient du basket ensemble, mais ce gars-là, c'était lui la star de l'équipe, quoi. Et en gros, il y a eu un scandale parce que son daron, qui était le coach de l'équipe, il s'est avéré qu'en fait il faisait croire à tout le monde que son fils avait 2 ans de moins, que en gros il disait qu'il avait 12 ans, en fait il avait 14 ans. Okay. Donc gros scandale, le mec n'a plus jamais joué au basket, c'est devenu un peu un loser, etc. Et donc l'histoire reprend où il est dans la merde et il essaye de il est dans la merde financièrement. Et il se dit je vais essayer de retrouver Stephen Curry pour essayer de le, et en gros Pour essayer de lui demander de la thune ou un truc comme ça, en gros. Et mais ça c'est dès l'épisode 1. Hein. Okay. Et en fait, Stephen Curry, il joue dans la série, quoi. Donc c'est une série avec Stephen Curry qui est un des personnages. Mais c'est pas le perso principal, quoi. Non, mais quasiment, quoi. Okay. Il est là dans tous les épisodes, okay, etc. Et en fait, c'est une histoire probable. De le mec, en voulant aller demander de la thune à Stephen Curry, se retrouve dans un quiproquo de merde et dans un mensonge qu'il est obligé d'alimenter parce que sinon c'est avoué que il avait menti dès le début. Donc il se retrouve dans une histoire. Donc c'est pas. Je dirais pas que c'est une série qui est incroyable et tout, mais moi j'ai bingé ça tranquille. C'est marrant de voir Stephen Curry jouer, faire de la comédie. En plus, il est assez bon. Mm-hmm. Et donc c'est marrant et c'est sans prétention, mais j'ai trouvé ça sympa. Et une autre série que j'ai rematé cet été et qui là pour le coup est sur HBO Max, donc sur my canal, c'est Silicon Valley. Ah oui. Je me suis tout regardé et j'adorais ça. Vraiment une de mes séries préférées. Ouais. Pour faire de la ça tech, du rire. Et vraiment, l'écriture est vraiment géniale. Bon, la dernière saison est un peu moins bien. Mike Judge, hein, je crois, au tout début en tout cas. Ouais. Et c'est vraiment génial. Ouais. Ça joue extrêmement bien. C'est vraiment super. Pour faire rapidement, c'est juste une histoire de gars qui ont une start-up, une petite start-up. Mais qui ont un produit qui attire beaucoup de convoitises, et du coup c'est comment ils se bagarrent avec des grosses entreprises de la tech. Ça se passe dans la Silicon Valley. Enfin, c'est trop bien écrit, c'est trop drôle, les intrigues sont trop bien pensées, ça joue trop bien, c'est génial. Oui, t'as des vrais gros retournements de situation. Oui. Et quand même c'est marrant tout le temps. Ouais, c'est assez dingue. C'est très très drôle. C'est mes deux recos. Sublime. Morgane Cadignan. Moi j'ai un film et un compte Instagram. Vas-y, je t'en prie. Le film, c'est le film, je sais pas si c'est le dernier, de Zach Braff. Le rôle de celui-là fait. Qui s'appelle A Good Person. Ah oui, non. Okay. Avec Morgan Freeman et Florence. Alors je sais jamais quoi. Pugh, ouais. Oh, c'est ça. Et Pug Pew. Ouais. Et qui est, alors, si vous êtes un peu sensible, si vous êtes un peu comme moi à pleurer devant la fiction, bien sûr, vous allez vous noyer. Ça m'a détruite. Okay. Ça, il est génial, mais c'est sur une fille qui est fiancée avec le mec de sa vie, machin, et il y a un accident de voiture. Après, elle se retrouve à devoir faire des réunions de toxicomane alcoolique, etc., anonyme, avec une des personnes proches des victimes, qui est Morgan Freeman. C'est hyper beau et bien et pas attendu sur plein de trucs et dur, et j'étais foutue en sortant de là. Et ça m'a dis... A Good Person. Ouais. Et c'est sur Canal en plus. C'est MyCanal, ouais, ouais, c'est sur MyCanal et un compte Instagram. Écoutez le mien. je réitère mon appel. Moi, ouais, si je perce pas cette année, j'arrête tout. Voilà, donc il y a aucun vraiment problème. Ajoutez-moi, vous n'hésitez s'il pas. Vous plaît, je n'en peux plus. Morgane Cadillan, et en plus vous pouvez envoyer plein de DM sur ce qu'a dit et Adrien pendant toute l'émission. Bah, donc... Je mets vraiment pas beaucoup de trucs. Vous inquiétez pas. C'est essentiellement des. Vraiment, c'est la meilleure pub, quoi. C'est essentiellement des bouts de chroniques et des photos des gens qui sont autour de moi à cette table. Donc vraiment, vous allez vous régaler, quoi. J'ai une question sur le goût de personne, parce que moi je l'ai pas vu, mais j'avais vachement aimé. Alors je crois qu'il en a fait un autre avec Morgan Freeman, mais j'avais Garden State, et le rôle de sa vie, j'ai oublié le titre anglais. Il y a aussi un peu d'humour ou pas du tout, parce qu'il fait ça des fois, il fait des mélanges. Non, là c'est pas du tout. C'est un peu drôle. Moi ça m'a fait rire, mais parce que je pense que j'ai un humour noir et que je suis assez cynique. Donc en fait il y a des non mais qui sont joués comme tels, quoi. Par exemple, il y a une vanne, tu vois, ça qui m'a fait rire alors que c'est pas amené comme une vanne. D'accord. Bon, je l'ai fait, ça spoile rien du tout. À un moment il y a une jeune fille qui rentre plutôt du lycée, elle est pas censée rentrer à cette heure-là. Et l'adulte lui dit, mais vous t'étais pas censé être au lycée, il est 15h. Elle dit, oui, mais on avait journée de simulation. School shooting. School shooting simulation. Et aujourd'hui, le tireur s'est suicidé, donc on a fini plus tôt. Et ça m'a fait beaucoup rire, mais vraiment, la personne avec qui j'ai regardé était là, bah non, mais c'est pas drôle. Alors que moi, je trouve que c'est. Et donc, c'est pas des grosses vannes comme tâches, une vanne. C'est quand même vendu mais comme c'est un une peu vanne. Des vannes, c'est un peu des vannes comme ça. Le casse principal, c'est lourd. Le casse principal est très lourd. Même les vannes, en tout cas, c'est sur des sujets. C'est pas les bronzés, quoi. Ok, donc, A Good Person. Moi, Zach Braff, j'adore ce qu'il fait, mais je me souviens d'un prank de Ashton Kutcher. Je sais pas si vous vous souvenez. Tabasse un gosse, là. Où il a deux doigts de foutre une droite à un gamin. Je crois qu'il l'a. Non, il le secoue un peu, mais parce qu'ils font croire qu'il lui casse sa bagnole ou je sais pas quoi. Non, qui tag sa voiture. Qui tag sa voiture, c'est ça. Et tu vois, Zach Braff sous une. Après, on en parlait un peu avec Laurent. C'est le jeu. On comprend qu'il s'énerve, mais du coup, là, c'est un peu violent. Je crois qu'il a giflé le gosse, hein, quand même. Ah ouais. Il y a quand même. Il dure. Et ben, il lui a remis les idées en place. Pour moi, c'est comme avec Léon Marchand. Ouais, mais le gosse, j'allais dire, le gosse est devenu Léon Marchand. On arrête un moment pour un petit peu. Moi je vais vous conseiller un film. Le film que je vous conseille s'intitule La nuit se traîne. C'est un film belge mais beaucoup financé par des Français également. C'est un film réalisé et écrit par Michel Blanchard. Alors La nuit se traîne, c'est basé sur une chanson de Bachung, bien sûr. Non, de Pétula Clark. Pétula Clark, qui avait repris beaucoup de ses chansons en français. La nuit n'en finit plus. Exactement. Et l'histoire, en fait, c'est un film qui se passe en une nuit. Déjà j'adore les films qui se passent en très peu de temps, quand c'est très resserré. Comme Le Seigneur des Anneaux. À l'inverse. Ouais. C'est sur plusieurs années. Le voyage est très long, des milliers de kilomètres. Ça se passe sur une nuit. C'est l'histoire d'un mec qui s'appelle Maddy, qui est serrurier. Et un jour, donc, on l'appelle, une meuf l'appelle en disant, bah voilà, je suis bloqué chez moi, comme souvent. Il lui ouvre et déjà c'est un peu bizarre. Il lui dit, vous avez une pièce d'identité. Je prends toujours une pièce d'identité avant d'ouvrir et tout. C'est parce que elle fait, ah non, mais je l'ai oublié dans mon appart. Vous pouvez me payer en avance et tout pour que je sois sûr de... Bah pareil, c'est dans mon appart, je peux rien faire, mais franchement vous m'ouvrez, je descends. Bon bref, c'est un peu chelou. Entourloupe. Et évidemment, il y a entourloupe, je ne vous en dis pas plus, mais en fait, il va se retrouver dans une histoire avec des criminels, des gangsters. C'est la pire histoire. Ça part dans tous les sens. Ça va être la merde. Putain, parce qu'évidemment, trop bien, c'était le mauvais appart où ouvrir une serrure. Évidemment, après, ça va de mal en pire. C'est de pire en pire. C'est sorti au cinéma. Ah oui, c'est ça. C'est avec Duris, c'est ça. Et c'est Romain. Il y a Romain Duris, qui joue le méchant. Qui joue le méchant du film, mais c'est que des jeunes acteurs. Ah, tu m'as bien hypé là. Ah non, c'est vachement bien. Non, franchement, on se mate tout à l'heure, Jérôme, là. Au lieu de bosser là. Au lieu de manger aussi. Ouais. Et. Je suis pas d'accord avec ça. Et le réalisateur est quelqu'un de très très fort. Moi, j'avais vu son court-métrage qui s'appelait T'es morte, Hélène, dans un tout autre délire, puisque c'était l'histoire d'un gars qui vivait avec le fantôme de sa meuf. Et il voulait la quitter. Et elle était pas trop d'accord. Pas mal. Et c'est complètement un autre genre. C'est du. Voilà. Et La nuit se traîne, c'est vraiment ça a vachement d'énergie. Il y a des trucs de mise en scène vachement impressionnants. C'est réalisé par qui, pardon? Il s'appelle Michel Blanchard. D'accord. C'est son premier long métrage. Blanchard ou Blanchard? Blanchard, je crois. R. En tout cas, il y a un R à la fin. Ouais. Non, mais c'est. Tu avales un petit peu le R, donc. Ça m'arrive. Mais n'hésitez pas à y aller parce qu'il est sorti un peu au milieu de l'été. Donc je pense pas qu'il soit dispo partout. Donc ça doit être un petit peu les dernières semaines. Chelsea, c'est ton. Char. Non, j'ai perdu. Donc voilà, La nuit se traîne, c'est en France et en Belgique et sûrement dans d'autres pays, j'en sais rien, mais allez vite le voir parce que je pense que c'est au cinéma, d'accord. C'est au cinéma. C'est à l'affiche la semaine dernière. Non, plus de semaines parce que moi je l'ai vu cet été pendant les vacances. Ah, voilà. Oui, oui, je crois que c'est sorti mi-août. Rebondissement. Voilà, ça n'arrête pas. Donc, tu es allé à ton cinéma là, à 40 km là. Exactement, ouais. De chez moi. Donc super film, n'hésitez pas. Il y a de l'action, c'est tendu et en même temps ça raconte des trucs et moi j'ai adoré. Voilà, okay, j'ai adoré. Okay. Bah, tu vas bien hyper. Ah, bah, tant mieux. Vendu. Jérôme Niel. Même chose, ce film là. Ah bon, tu l'as pas vu, c'est dingue. Ouais, mais justement tu viens de me hyper là. Ah ouais, bah alors de la nuit se traîne. Non, moi j'ai, je recommanderais une chaîne YouTube d'un gars qui s'appelle Conquerax. Et okay. Donc c'est le même nom, tu vois. C'est comme ça que ça s'appelle. C'est en référence à le jeu Conquers, Conquers, je sais pas. Command si and Conquer. Non, le petit Pac-Man. Écureuil. Pac-Man. Vous vous souvenez pas de ce jeu, non. Conquer? Bon, Mario. Bon bah voilà. Donc c'est une chaîne autour des jeux vidéo qui parle vraiment de jeux iconiques qu'ont été et qu'ont disparu généralement. Ou pas, mais donc moi, comme je suis très nostalgique, tu sais, il peut faire une longue vidéo sur la Wii, ouais. Tu vois, ou sur la Wii U. Ouais. Et donc, d'autres moi, consoles comme que la Wii, j'adore les jeux vidéo et j'adore surtout les vieux jeux vidéo, enfin les vieux jeux, tu sais, 2000 grand max, tu vois. Ouais. Et donc, c'est une période vraiment à chaque fois qui me fascine. Et il fait des longues vidéos et je trouve ça très bien fait, très bien documenté. Et j'adore ça. Donc, il faut que ça parle, hein, bien sûr, aimer les jeux vidéo et aimer et être né dans les années 80, a priori. Mais même si je. Hein, la chute de Star Fox, c'est ça? Oui, c'est ça, par exemple. Tu vois. J'étais tombé dessus, je crois. Tu vois, et bon, bien sûr, lui, je pense qu'il a 10 ans de moins que moi, ceci dit, donc, mais pour moi, en tout cas, c'est parfait. Génial. Ouais, et c'est trop bien, c'est des longues vidéos, et tu sais, c'est des vieux jeux auxquels on a joué, tu vois, t'as des drive-on ou des trucs comme ça, ouais. Et tu dis, ah putain, c'est vrai que ça existe, alors qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, il explique, c'est vraiment très détaillé. Sur ce qu'on fait le jeu, pourquoi ensuite ils ont quitté le navire, etc. Ensuite, t'as des rachats de Electronic Arts, des trucs comme ça, et du coup, le jeu est devenu de la merde. Enfin, c'est des exemples comme mais ça que je vous dis-toi montre. Dis-toi que j'ai vu une vidéo de cette chaîne YouTube sans savoir que c'était lui. Il a fait un truc sur Driver 3. Et ben voilà. Et qui a eu un scandale parce que c'était une cata, ils ont essayé de corrompre la presse, etc. C'est ça. Et ben j'ai vu une de ses vidéos. Ouais. Génial. Il a fait deux vidéos, parce qu'il avait fait aussi tout un truc sur le rise and fall de la saga Driver. Voilà, c'est ben ça. J'ai vu des vidéos, c'est vachement bien. C'est vachement bien. Et voilà. Bah voilà, Conquerax, ça s'appelle. Trop bien. Et ben merci les amis, écoutez, ça fait trop plaisir de vous avoir reçu. C'était je suis beaucoup. Ça m'avait manqué. Ouais, vous dire mieux. J'ai l'impression qu'est-ce que vous c'est une belle rentrée, on est d'accord. Oui, c'est une belle rentrée. On est bien là. Non, ça fait trop plaisir de refaire des émissions. Petit tour de table, comme d'habitude, pour savoir où on en est. Alors Jérôme, je sais qu'en ce moment ça tourne. Voilà. Ça tourne. Il y a le spectacle qui va bientôt arriver, quand même. Sur Canal+. Voilà. Exactement. T'as une date à dire ou pour le moment c'est trop tôt? Ouais, non, je crois que c'est novembre, il me semble. Okay. Peut-être octobre. D'accord. Septembre ou décembre. Ouais. Février, janvier. Ah ouais. Donc il y a plein. Il y a une latitude de 12 mois. Ouais, d'accord, très bien. Voilà, donc on va voir un peu comment tout ça va se mettre en place. D'accord, et tu tournes en ce moment? Et je tourne, non, mais bientôt. Oui, très bientôt. Très, très bientôt. On va pas en dire trop, ouais. Mais tu joues un personnage dans emblématique d'une Sarkozy, à savoir. De l'adaptation d'une BD. Voilà, on n'en dit pas plus, on n'en dit pas plus, eh oui. Morgane Cadignan. Oui, chez France Inter. J'ai enfin de l'actu. Oui, France Inter. Toujours, et tous les lundis. C'est tous les lundis. Tous vous savez pas que tu avais une récurrence. Tous les lundis. Et dans la bande originale. Nouveau spectacle. C'est ce que je en rodage tout à, l'heure. À partir du 24 octobre. Donc les 24, 25, 26 à Lyon, 8 et 9 à Marseille. Donc il y a 18 dates, 15 ou 18 dates de rodage entre fin octobre et mi-décembre. Il y a Nantes et il y a Lille également. Il y a Nantes, il y a Lille, il y a Le Mans, Bruxelles. Génial. Voilà. Et après ça sera en janvier, pour ceux qui nous écoutent qui sont à Paris, je vais jouer en janvier à Paris, je peux pas encore dire où, mais ça sera tous les mercredis. Trop bien. Voilà. Tu reviendras nous en parler. Mais prenez vos places pour le rodage, parce que c'est super d'aller voir du rodage de stand-up. Non mais c'est vraiment une étape particulière, même en tant que public, par rapport à voir le spectacle de construction. Et après, on parle à la fin, vous me dites ce qui est drôle, ce qui est amélioré. Ah, tu fais ça? Ouais, bah ça dépend. Non, mais quand il y a des salles particulièrement cool, tu vois, tu discutes et tout. C'est génial. Bon, bah, du rodage, génial pour le spectacle. Et donc après, t'auras, donc c'est ce que et tu après, dis. Et après, Paris, après la tournée, après Reparis, après la tournée. Là, ça part jusqu'à à peu près mes 43 ans. génial. Adrien Méniel. J'allais dire la bonne auberge, mais tout est complet, ça s'est rempli en combien de temps? Alors, cela dit, là, ça va rouvrir, il y a des nouvelles places, mais ce sera fini quand, a priori, quand on. Oui, parce que vous êtes au Grand Rex, donc c'est vrai que. Au Grand Rex, et du coup, on a tout vendu toutes les places prévues, elles ont été vendues en 10 minutes. Mais non. Du coup, on loue on vend les places, en balcon, qui n'étaient pas prévues. Mais bon, elles vont sans doute être vendues d'ici à ce que. Ouvrir le balcon du Grand Rex, c'est très classe, quoi. Et c'est attention, c'est beaucoup moins bien comme place. Méfiez-vous. Non, mais je préfère le dire. C'est trop tard. Moi je savais pas, mais c'est trop tard de bah là, après le... bon, il s'en doute un peu si. Bah bien avez... sûr. C'est plus une ambiance hein, après. Non mais en plus bah, moi je suis pas trop au courant de ce qui va se passer. Mais visiblement il y aura un peu un truc d'animation de... Il y a une troupe de gens spécialisés dans les trucs, dans le spectacle vivant, effets visuels machin. Il y aura de la mise en scène, il y aura des trucs. Je suis pas au courant du tout quoi, je suis quelqu'un qui avait acheté des places pour Oasis. Et je me rassure un peu de la même manière en me disant c'est aussi l'ambiance de la salle. Et j'y crois beaucoup. Moi, tu en as eu ? J'ai deux places. Et tu vas avec qui ? J'y vais avec ma meuf. Mais comment t'as eu ? Attention, on peut se séparer. Comme les mecs d'Oasis d'ailleurs, d'ici là. Mais ouais. comment t'as eu des places ? Mais on est bon. Mais arrête, non mais sérieux, comment ? Mais je te jure, à l'ancienne normale devant l'ordi ? C'est ma meuf qui a réussi, moi j'ai échoué. Mais ma meuf, elle était dans la file d'attente et elle a eu deux places. Elle a eu deux places pour Oasis. Et même qu'on s'est fait ken avec leur truc de tarif qui augmente sans raison. Et du coup. Payé très cher. Oh, et quel stade Alors ça c'est très cool, Wembley, London. Putain. Donc on se tape pas les trucs pour Cardiff un peu relou là de machin. Bravo. Ah oui, en plus tu te fais un petit séjour à London. Et tranquille. Ça c'est bien ça. Ouais. Trop bien, bravo. Ouais, je suis content. Mais après voilà, et je pense que tu m'as imité moi là par contre, c'est moi. Ça, c'est moi. Hein. Mais ouais, je pense que l'ambiance stade va vraiment participer au délire du truc. À tes souhaits, Morgane. Et je pense que ce sera pareil à la Bonne Auberge. Je pense que l'ambiance va être très chaude. Vous êtes le Oasis du jeu de rôle. Bah oui. Parce que j'ai partagé en story un reel où c'est. Je sais jamais lequel est lequel. Mais Noël. Je crois que c'est Noël. Je pense que c'est Noël. Qui est le plus marrant pour moi. Qui dit oh, les gens qui écrivent des livres, ils sont vraiment trop cons et tout machin. Parce que j'ai adoré, ça m'a fait rire. Il dit t'as écrit genre la baleine et machin. C'est bon, t'as écrit un livre qui s'appelle The Happiness of the Giraffe. Ils ont vraiment le vieil accent, j'adore. Et bon, évidemment, not all auteur et autrice. Bien et sûr. Ça m'a fait rire de genre. Calmez-vous. Donc ça m'a fait rire. Et en fait, ce qui m'a fait encore plus rire, c'est que tous les gens qui répondaient, ils disaient ah oh ouais, putain, quel connard ce mec et tout. J'étais genre, je l'ai partagé parce que j'étais vraiment totalement d'accord. En fait, ils en ont un peu rien à foutre et c'est un peu marrant quand même. Ah, c'est voilà. Ça qui m'a fait rire moi. Bah, ouais. Du coup, je me faisais insulter indirectement par tous les gens. Ils disaient ah oh ouais, trop un con. T'as raison, il est horrible. Hein. Ouais, non, ouais grave, trop con. La Bonne Auberge, ça va reprendre sur Twitch, mais avec du coup des nouveaux perso, nouvelle épopée, tout ça. Ouais. Mais un de ces jours, je sais pas quand. Et puis sinon, ça écrit en ce moment, donc il n'y a pas grand chose à annoncer, je crois. Non, mais il y a des années comme ça. Il y a des années où on écrit, on fait des choses, et puis après. Toutes les années. Très bien. Quant à moi, pareil moi, ça écrit. Ça écrit, et puis si. Voilà, après j'arrête. Hein. Le Blu-ray, mais il y a le Blu-ray qui va ressortir. Je voulais juste dire ça parce que on a écoulé tous les stocks. Le Blu-ray de quoi ? De Noulé le Roi, pardon. Le c'est quoi Noulé le Roi ? C'est un film que j'ai réalisé avec les deux gugus que tu vois autour de la table. Et voilà. Et donc on a vendu tous les exemplaires de Blu-ray. Il y en avait pas assez, selon moi. On a un peu mal géré avec l'éditeur, mais on va en ressortir. Donc si vous l'avez pas eu, ne rachetez pas sur Vinted ou n'achetez pas le DVD. Par désespoir de cause, parce qu'on va remettre des Blu-ray, ça prend un peu de temps. Le truc était sold out avant qu'il sorte. En précommande, on était sold out, donc merci beaucoup. Et attention, si vous achetez la nouvelle PlayStation Pro, il n'y a pas de lecteur de DVD. Non, à 800 attention. Euros. Ah ouais donc, mais il y a Noulé le Roi offert, ça c'est fou par contre. Oui. Ouais. Le jeu. Noulé le Roi. Le RPG Noulé le Roi. En dématérialisé. Ouais, voilà. Merci d'être venus, chers amis. Merci, c'était génial. Salut tout le monde. Ciao. Ciao. Ciao. Elle était bien cette voix. Il s'agissait du flow de cast. Pardon.